Allez, bisous. Difficile le dimanche. Merci à toute l'équipe. Bisous à toi, Clément. Bisous. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on aura Alex. Et ça va voler bien haut parce qu'Alex, il a besoin d'infos pour faire le mur. Voilà. Ah, pour se barrer de chez lui. Bah, oh, non. Ouais, il a, mais non, mais toute proportion gardée. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'une fugue et tout, quoi. Ah, pour il a envie d'aller une soirée, ses parents veulent pas, il a envie de sortir. Il va nous expliquer ça dans un instant, de toute façon. Ne bougez pas. 01 42 48 5000, c'est le numéro totalement gratuit pour nous joindre et faire de la radio avec nous ce soir jusqu'à minuit. Puis tout de suite, découvert sur Fun Radio, on est trop fiers. Calvin Harris. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. C'est Marion et Anso, le Night Show. Et si vous avez envie de voir ce que ça donne, Anso et moi, en mode footballeuse, eh ben, faut aller sur la chaîne YouTube Marion et Anso. On a fait un match avec des auditeurs. Ça y est, la vidéo est en ligne. Et franchement, on s'est marré. Merci encore à tous ceux qui ont participé. C'était un kiff. Et bravo à la grande gagnante. Je la citerai pas parce que ça m'énerve. Mais je la félicite quand même. Elle est blonde. Merci. Je te remercie. Je t'en prie. Je suis douée. On a Alex au téléphone qui est avec nous de Béziers. Parce que Alex, t'as envie de faire l'humour, toi, c'est ça? C'est ça, salut Marion, salut Anto, ça va? Bon, et tu vas pas fuguer, on est d'accord? Mais non, je vais pas fuguer. Bon, allez, on en parle avec toi dans un instant. 01 42 48 5000, bougez pas. Hey guys, the radio of Kygo is Fun Radio. Aujourd'hui, vous les entendez partout. La première fois, c'était sur Fun Radio. Martin Garrix. Imani. Era Istrefi. La radio où démarrent tous vos tubes préférés. C'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Avec Oasis et Orangina, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repart avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. But Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Fun Radio présente Fun Deep House. Tous les tubes du nouveau son Dance Floor. Imani. Lost Frequencies. Feder. Robin Schulz. Flume. Disclosure. Alan Walker, Kygo. Retrouvez tous les plus grands DJ. Fun Deep House, le coffret 3 CD événement. Également disponible sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Salut, c'est Ritza, Marion et Anso, le Night Show, ça carbone. Le Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Yes. Dans quelques minutes, les garçons de l'équipe du Night Show vont devoir nous présenter leur lettre de motivation qu'ils ont fait eux-mêmes. Je pense qu'il y a de l'humour, il y a du sketch, il y a de la mise en scène. Ils vont devoir nous convaincre de rester l'année prochaine. Oh. Ça va être sympathique, mais avant ça, on a Alex qui a un souci, il aimerait faire le mur. Ouais, Alex de Béziers, bonsoir. Salut Marion, salut Anso, ça va ? Salut Alex. Oui, et toi ? Ça va. Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Alors Alex, raconte-nous pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe avec les parents ? Mais en fait, je suis moi aujourd'hui, donc c'était mon dernier jour de... Enfin, vendredi, c'était mon dernier jour de cours. Mmh. Et en fait, donc du coup, bah, avec les potes du lycée, donc en fait, on voulait faire une fête, en fait, chez un pote. Et comme j'ai une assez mauvaise année, du coup, mes parents, en fait, ils veulent pas. Donc du coup, je voulais avoir des conseils pour comment me barrer en toute discrétion. D'accord. Bon, tu sais qu'on peut pas trop te conseiller ça parce que c'est tes parents qui sont responsables de toi. Donc s'ils veulent pas et que nous on te conseille de faire le mur dans leur dos et que t'as un souci, on va s'en vouloir. Donc on peut pas vraiment te donner de conseils là-dessus. Ouais, c'est entre nous. Cela dit, Alex, si tu veux faire le mur, tu peux toujours prendre une truelle. Waouh! Elle est sérieuse? Oh, écoutez, on m'a demandé de la dire. Oh, mytho! C'est pas possible, elle veut la faire depuis 5 minutes. Bon, Alex, tes parents, ils ont peur de quoi? Ils ont pas peur, c'est juste que comme je t'ai dit, j'ai une mauvaise année, du coup, ils veulent pas. Et ça, tu peux pas réussir à les convaincre, toi, en leur promettant de bosser, je sais pas, moi. J'ai essayé, hein, mais... Ça marche pas. Elle est comment, ta maison, juste pour savoir que j'ai un plan? Est-ce qu'il y a un étage? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux sortir discrètement? Disons que c'est très compliqué de sortir discrètement. Puis, en fait, j'ai un étage, justement, avec des escaliers, mais des escaliers en bois, c'est un peu ancien, donc, tu sais, où ça grimpe bien. C'est impossible. C'est impossible, mon pote. Enfin, tu pourras pas y arriver. Et en plus, faut pas le faire. J'ai envie de te dire, tes parents, ils ont leur raison. Il faut les écouter. Après, moi, je suis pas très bien placée pour parler de ça avec toi parce que je n'ai jamais fait le mur de ma vie. Moi non plus. Mais déjà parce que j'habitais au deuxième étage. Enfin, j'avais ma chambre était au deuxième étage. On ne croyait pas que j'avais une très grande maison. C'est pas vrai. Ouais. Mais elle était faite, comme ça. Donc au deuxième étage, il était impossible. Et puis moi, je crois que j'avais vraiment peur de décevoir mes parents. Ouais, donc, moi aussi, tu vois. J'avais hyper peur de ça. J'ai fait juste un truc une fois. Ils savaient que je sortais, sauf que j'avais dit que j'allais dormir chez une copine et en fait, j'allais dormir chez mon copain. Donc, j'avais pas dit vraiment la destination. Tu vois, j'avais juste dit ce que je faisais, quoi. Donc, voilà, c'est... Ouais, voilà. Bah, t'as menti quand même. J'ai menti. Mais bon, je peux comprendre. Alex, moi, je suis pas pour, hein, quand même. Hein. Je suis pas team pour, moi. Hein. Moi non plus, je suis pas team pour, mais on va demander aux auditeurs, là, 01 42 48 5000, s'ils ont déjà réussi à faire le mur et pourquoi. On parle vraiment d'une petite sortie, on parle pas de partie de la maison. Oui, en plus, on va rester là-bas, c'est pas pour faire bordel dehors, quoi. D'accord, ok. Non, mais on a bien compris, Alex, mais imagine si t'arrives quelque chose ou quoi que ce soit, tu vois. Oh, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive ? Bah, on sait jamais, Alex, tu vois. Oui, c'est arrivé si vite. Bah oui, c'est vrai, ça. Bon, Alex, il y a du monde au standard pour toi. Il y a Yanis de Besançon qui nous a appelé. Bonsoir à toi, jeune Yaya, jeune Ninis. Salut tout le monde. Salut. Excusez-moi, j'ai eu un peu de mal. Alors, on a eu un petit week-end chargé ? J'ai bossé. Ah, qu'est-ce que t'as fait ? Bah, j'étais à l'armée. Oh, bien. D'accord, ouais. Tu fais quoi à l'armée ? Militaire réserviste. D'accord. Ah, et t'es dans quelle réserve ? J'ai pas le droit de le dire pour ma sécurité, mais je peux juste te dire que je suis dans le génie. Dans le génie ? Ouais. D'accord. Eh ben, on embrasse. Je suis pas un génie. Hein, c'est... Tous ceux qui bossent à l'armée, évidemment. Dis-nous, est-ce que toi, t'as déjà fait le mur ? Ouais, ça remonte il y a un petit moment, mais oui, c'est déjà arrivé. Raconte. Le problème, c'est que j'habitais au premier étage. Donc pour sortir, c'était un peu le bordel. Et du coup. Comme dans les films, j'ai pris mes draps et en fait, tout simplement, je suis sorti par la fenêtre. Je l'ai accroché à mon lit. Mmh. Et donc, je suis sorti, je suis allé voir mes potes. On a bien picolé, on est allé en boîte. Et on est rentré et j'ai voulu reprendre le mur. Mais le problème, c'est que Bah, j'avais pas assez de force dans les bras, en fait. Bah oui. Donc, en fait, ce qui est con, tu vois, c'est que j'ai dû attendre que mon père parte au boulot. Donc, à 7h du matin, j'ai attendu devant la porte. Enfin, je me suis endormi devant la porte, plutôt. Il m'a réveillé en gueulant. Bah oui. Et du coup, j'ai balisé toute la journée parce que ben, j'ai pas eu le choix de l'attendre. Et le soir, ben, je me suis fait exploser. Bah oui. Bah, c'est normal. Et c'était mérité. Ouais. Bah ouais. Non mais surtout moi j'aurais jamais osé jeter des draps par-dessus ma fenêtre, c'est obligé, je serais tombée quoi. Moi aussi. C'est impossible. Et au début aussi je me suis dit bon bah au pire tout à fait. Mais moi j'ai l'impression que c'est que dans les films les trucs comme ça, tu sais, les mecs qui escaladent, qui descendent avec leurs potes qui les attendent en dessous et ouais, tout. Ouais, c'est souvent des gens qui s'évadent de prison aussi, en plus, donc, tu dis que tu vois ça dans les films donc c'est facile à faire, sauf que quand tu le fais en fait bah non, c'est pas facile. Mauvaise idée. Bon, eh ben, merci. Voilà. Yanis, au moins, en tout cas, on voit que c'est une mauvaise idée. Tu rajoutes un argument. Ah oui, là, franchement, je confirme. On t'embrasse, petit génie. Merci. Elle va partir avec la vanne de la truelle, ça, t'inquiète pas. Bisous, Yanis. Il y a Claire aussi à Bordeaux qui est avec nous. Bonsoir, Claire. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Anso. Bonsoir, l'équipe. Salut, Claire. Salut. Ça va, Claire? Ça va, et vous? Ouais. Oh, toi, t'as pas la voix d'une nana qui fait le mur? Non. Non, pas du tout. Non, raconte. J'ai déjà passé l'âge. Non, alors moi, en fait, j'avais 17 ans, je faisais le mur. J'habitais au quatrième étage dans un immeuble, donc passer par la fenêtre, c'était un peu compliqué. Donc, ce que je faisais, c'est que le soir, lorsque ma mère, elle prenait sa douche, j'ouvrais doucement la porte d'entrée. Comme ça, elle sortait de sa douche, elle allait directement dormir. Et puis, j'attendais une demi-heure, 40 minutes et je sortais en douce, en fait. J'avais les chaussures à la main, je descendais tout en bas de l'immeuble. Après, j'enfilais mes chaussures et je sortais. Mais elle s'en rendait pas compte que t'étais plus là? Bah si, à un moment donné, ils se sont rendus compte jusqu'au moment où, en fait, il y avait mon père qui se levait, en fait, pour aller au travail vers 7h du mat. Et là, il s'était levé vers 5h, 6h. Ce qui fait qu'il est rentré dans ma chambre, il m'a pas vue dans mon lit. Donc, il a commencé à m'appeler et moi, en fait, j'étais en soirée. Donc, le temps que je remonte chez moi, mon père, il était déjà dans la voiture en train de me chercher parce qu'il a eu vraiment très peur. Et c'est après qu'il a compris que je sortais pour aller en fait en soirée, voilà. Mais c'est ça, vous vous rendez même pas compte en fait de l'inquiétude après, quoi. C'est ça qui est hyper grave. Des parents. Mais moi, je crois que j'arriverais pas à sortir sereinement en sachant que je peux me faire griller, quoi, tu vois. Mais imagine juste, sa mère découvre que t'es plus dans ton lit. Elle imagine un enlèvement, elle imagine une fugue, elle imagine tellement de choses. C'est terrible pour des parents. Ah oui. Faire attention, les loulous, hein. C'est vrai. Bon, du coup, Claire, tu l'as plus jamais refait? Non, pas du tout. Après ce cas-là, je ne l'ai plus jamais refait. Après, là, j'ai dépassé l'âge en fait, de le faire. Du coup, à un moment donné, en fait, il faut se poser, devenir adulte et comprendre que ce n'est pas bien. Ouais, au mieux, si les parents ne veulent pas qu'on sorte, c'est pour une bonne chose. Bravo, Claire. On t'embrasse, ma belle. Merci de nous avoir appelés. Merci, bonne soirée. Bisous. Bisous, bisous. L'équipe, je vous propose de retourner dans votre adolescence. Ouais. Imaginez, vous êtes dans votre chambre, je vais vous donner des raisons de faire le mur, mais si vous sortez, vous vous faites défoncer par vos parents. Okay. Vous allez me dire si vous sortez ou pas, ok? Ouais. Ok. Pour aller fumer une clope avec un pote, vous sortez ou pas? Non. Ah non. Anne Soalice. Bah, je fume pas moi, donc c'est sympa. Ouais, mais moi je fume, mais c'est pas bien d'ailleurs. Ouais. Tu l'aurais fait? Bah non, mais je le faisais en douce à ma fenêtre, en plus c'était naze, en plus que ça pète la clope. Bah oui, c'est grave à chaque fois, quoi. Pour aller traîner avec plusieurs potes, avec des bières, tout ça, thug life quoi. Ouais. Quel âge? Ouais. Bah, t'as pas d'âge, t'es ado. Est-ce que t'as envie de le faire? Je le fais. Tu le fais, toi? Bien sûr. Pour aller au concert de votre artiste préféré parce que vous avez des places, mais non. Les parents ont dit non. Trop risqué. Ouais. Trop long. Ouais, non, mais trop risqué, mais trop envie. T'as des places, tu galères à les avoir. Ouais, et pendant 2h30, t'es pas chez toi. Bah alors. Et en général, tu captes pas et tout dans les salles de concert s'il y a un truc. Ouais, moi je le fais quand même. Bon, elle fait tout, elle. Pour aller faire votre première fois. Bah, non, t'es pas serein. Non, t'es pas serein. Non. Ah bah non. Non, imagine. Mec, à quel moment t'arrives à bander pour une excuse-moi, je veux pas penser à ma mère. Hein. Bah, oui, je sais, mais. Ouais, mais quand même, tu te dis si elle s'en rend compte et tout, c'est chaud. Non. Pour aller récupérer un billet ou un iPhone qu'un mec a fait tomber par terre. Ah bah genre, oui. Vous l'avez vu dans la rue. Bah oui. Non, c'est deux secondes. Si, mais pour lui rendre. Oh, quel mytho. Amir. Oh, le mytho d'or. Moi, je lui rends les sous. Bah non, mais l'iPhone, je lui rends. Pourquoi je garde? D'accord. Et un billet de 200? Bah, jurant si le mec il vient de le faire tomber. C'est ça, ouais. Bah, ouais, mais tu descends pas. Bah, si, si. Pour aller voir une baston qui est au coin de la rue, comme bah, ça. Non. Bah, non. Ah, je descends direct, toi. Mais t'es mal sain, t'es incohérent, toi. Pour aller prendre la bagnole de papa et aller au McDrive, vous tapez un bon Big Mac. Ah, je l'ai déjà fait. Non. Mais n'importe quoi. Tu l'as fait, toi, j'avais fait, j'avais même pas le permis. Mais aucun intérêt de faire le mur pour un Big Mac, quand même. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est-à-dire que tu te fais défoncer, au moins que tu fasses quelque chose de kiffant, mais pas que pour aller au McDo. Non, mais je l'ai fait. Non, mais. Et enfin, est-ce que vous sortez ou pas pour aller dans le garage, prendre la tondeuse et le taille-haie, puis aller chez Amir, lui refaire les sourcils pour le bien de la France et pour le bien de l'Europe. Ah oui, ah ouais. Tout le monde fait le mur, mon gars. Si vous nous rejoignez, on vous rappelle que Amir, c'est notre caution sourcils dans l'émission, qui a des sourcils, bah, les plus gros sourcils du monde d'ailleurs. Mec, on devrait appeler le Guinness Book. Non mais arrête, il y a pire. Non, il y a pas pire. Mais si. Et d'ailleurs, t'as vu, il les a épilés ce week-end. Ouais. Il y a plus le petit milieu. Non mais il y avait pas, ils se rejoignaient pas. Mec. T'exagères. Ouais. Non. Il y a Elliot de Nancy aussi qui nous a appelé. Elliot, est-ce que tu as déjà fait le mur toi une fois dans ta vie? Salut Marion Anso, l'équipe, ça va bien? Ça va? Salut. Ouais. Oui, dis-nous tout. Eh ben moi, ouais, donc en fait, ce que j'ai fait, j'étais dans une maison et puis j'ai sauté de la fenêtre. Ouais. Et donc j'ai voulu piquer la bagnole de mon père. Carrément. Mais le problème, c'est que j'ai oublié qu'il y avait l'alarme. Mais qu'est-ce que t'es con? Non, mais c'est pas possible, Elliot. Du coup, j'ai commencé à démarrer la bagnole, il y avait l'alarme, donc mon père, il a couru et voilà quoi. Bah mec, il t'a défoncé. Bah ouais, carrément. Bah normal. En plus, tu t'es fait défoncer sans même avoir le kiff d'être sorti en fait. Bah ouais, si, je suis sorti, mais pas loin quoi. Bon bah c'est un échec. En tout cas, il a l'air très fier de lui. Ouais, il est content. Et ça nous plaît pas mal. Ouais, je suis content. Ouais. Attends mon pote, excuse-moi parce qu'on vient juste de trouver le mec qui a des plus gros sourcils qu'Amir. Il y en a un au monde. On va vous la balancer sur les réseaux sociaux. Il est seul, hein. Regarde Anso, c'est le gars. Ça n'existe pas. Montre à Amir. Maxime, tu peux me montrer? Il y en a qu'un. Et il est là. Il y a Amir et lui. Lui, il a des gros sourcils. Lui. Ouais, ils sont normaux. Non, mais c'est un énorme sourcil. Il a un problème, quoi. On va vous la mettre. C'est pas moi. Hein. Allez voir ça sur la page Facebook Marion et Anso. Elliot, on t'embrasse? Bah, moi aussi, je te fais des gros bisous. Bisous à toi. Bisous. Passez une bonne soirée. Ciao. Alex, du coup, t'as compris. Je pense que toutes les histoires ce soir là, qui sont passées sur l'antenne, c'est que des histoires qui sont mal terminées. Ils se sont tous fait griller. Ouais. Et paf, la mauvaise soirée. Donc... Oui, mais bon, qui tenterait à rien. Non, mais Bichon, il vaut mieux que tu essayes vraiment de convaincre tes parents à base de chantage. Fais du chantage positif. Tu leur dis, laissez-moi kiffer. Ouais, j'ai pas vraiment le temps, parce qu'en fait, tu veux, normalement, j'ai le père de mon pote qui doit arriver à 23h. Ah, c'est ce soir? Attends, le père de ton pote vient te chercher? Ah, merde. Ouais. Ah, ouais, mais tu pouvais pas dire que t'allais chez ton pote à la cool? Mais ils veulent pas qu'ils sortent, tes parents. Ils veulent pas que je sorte. Ouais. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire, là? Il y a le père qui arrive, qu'est-ce que tu veux faire? T'as une demi-heure? Je sais pas, faut que je me démerde. Bah non, mais non. Ou alors demande au père de ton pote d'essayer de convaincre tes parents. Ouais, mais ils sont déjà au lit, donc bon. Ah, ils sont déjà au lit, ouais, mais l'escalier est grand, si tu peux pas. Ah, tu peux pas sortir en douce, mon pote. On peut pas te conseiller ça, en tout cas, nous. Non, c'est pas possible. On est team parents ce soir et tu te démerdes. Tu peux, voilà. Tu peux essayer. Mais... Sympa. Non, mais tu te doutes bien, Alex, qu'on peut pas te dire vas-y, fais le mur et ne préviens pas tes parents. Enfin, ça paraît logique. Oui. Mais fais-le quand même, tu vas kiffer. Bon, et tiens-nous au courant si tu arrives, mais nous on te conseille de rester dans ta chambre, ok? Oh, ok. Allez, on t'embrasse. Et puis j'ai quand même envie de demander à Pépère dans l'équipe, hein, ce personnage sans limite qu'on adore, s'il a déjà fait le mur ou pas, comment il s'en sort lui? Bah, Pépère, lui, il arrive tout le temps à sortir en douce, hein, les filles. Hein. De chez tes parents? Bah non, la chatte de ma mère. Oh, putain, mec, non. Bah, oui. C'est une évidence. Bon, ça commence un peu doucement. On est d'accord que celui-là, il était pas trop bossé, Pépère. Ah non, j'ai pas le temps, moi je mâche l'euro. Hein. C'est ça. Bon, reste avec nous dans un instant sur Fun Radio. Déjà, on t'embrasse, Alex. Hein. Allez, gros bisous. Mais dans un instant, Amir, Mano et Enzo devront nous convaincre de rester avec nous dans l'équipe l'année prochaine. Si bien sûr Marion et moi sommes reconduites. Voilà, c'est la base. Hein. Restez avec nous et pour participer à l'émission, toujours le même numéro et tout de suite l'hymne de l'Euro 2016, David Guetta et Zara Larsson sur Fun. 22h33, c'est Marion et Anso et j'ai une info pour tous les fans d'Harry Potter. Est-ce que vous savez qu'un roman va voir le jour le 14 octobre prochain? Oui. Ça va s'appeler Harry Potter et l'enfant maudit. Ouais, je suis trop contente, je suis fan d'Harry Potter. Moi aussi. Mais alors parle-nous-en, Marion, ça va parler de quoi? Alors, c'est tout ce qui est enfant maudit. Donc on est sur un enfant qui a vraiment pas de chance, quoi. Une talasse, mais une talasse avec Harry Potter et tout le gars qui a pas donné, quoi. Mais du coup, ce sera quoi sur l'histoire du fils d'Harry Potter, hein, c'est ça, hein? C'est exactement ça. C'est exactement ça, le fils avec les enfants de Ron et d'Hermione, probablement. Hashtag Verga, hashtag je ne connais pas. Écoute, si je te dis, j'ai pas l'info au complet. C'est ça. En tout cas, soyez là le 14 octobre, Harry Potter revient et ça fait plaisir à tout le monde. The Night Show. Marion et Anso. Le Night Show, du dimanche au jeudi, 22h minuit sur Fun Radio. On se demandait si on allait être là la saison 2. Je me dis qu'avec ce genre d'infos pas complète, c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais en tout cas, on espère. Et si c'est le cas, on a envie de savoir quelle sera notre équipe l'année prochaine. Ouais. Du coup, on a mis les garçons de l'équipe au défi. Ils devaient nous faire une vraie lettre de motivation à leur manière pour nous convaincre. Il y a donc Amir des réseaux sociaux, Manu Alaria et Enzo du Standard qui vont passer tous les trois devant nous. Alors c'est marrant parce que pour avoir vécu un peu les coulisses, Marion, il y en a qui ont plus bossé que d'autres, hein, j'ai l'impression, hein. Genre Enzo, j'ai l'impression qu'il a grave taffé. Est-ce que t'étais pas avec moi ce week-end? Non mais moi j'ai passé 2-3 moments avec toi et j'ai bien vu, hein. Je crois que la personne est bien placée, quoi. Bon, justement Amir, est-ce qu'on commencerait pas par toi? Si, on va commencer avec Amir. Ah, super, en tout cas. Tu donnes tout, Amir, hein. On compte sur toi, on a besoin de toi, on veut savoir pourquoi. Il y a une musique en dessous, malo derrière, un truc à... Un truc stressant pour rester dans... Ouais, très bien. Okay. Les meufs, si nous nous tenons mes sourcils et moi devant vous, c'est pour la rentrée prochaine. J'ai passé une année de kiff, vous m'avez taillé, vous m'avez insulté, vous m'avez manqué de respect, mais je tiens à rester. Pourquoi? Pour mon public, pour mes fans, pour les auditeurs, que je n'ai que faire de vous, sachez-le, les filles. Donc ceux qui prendront la décision de mon avenir ne sont pas deux meufs à franges, mais des auditeurs. Faites vos jeux, rien ne va plus. Marion, n'oublie pas que j'ai des dossiers sur toi, compromettants, voilà. Et Anso, je peux t'attaquer à tout moment avec un yaourt sucré. Donc tout est envisageable. Mais c'est nul. Mais en fait, le gars veut pas qu'on le garde, quoi. Bah oui, non, mais tu sais que c'était pas forcément les auditeurs qu'il fallait convaincre, mais nous. C'est aussi, nous. Hein, ouais, en fait. Mais on fait une émission pour les auditeurs déjà, ok. Ouais. Et c'est à eux de choisir. Non. Sachez que si vous venez nous rejoindre, je suis diabétique, c'est pour ça qu'il veut m'attaquer à coups de yaourt. D'accord. Ouais. Amir a choisi l'agression. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode, mais c'est son choix. On va voir ce que ça donne avec Manon à l'area. Ouais. Manon, on t'écoute. Sur un tug, moi. Marion Anso, à l'issue de cette première saison du Night Show sur Fun Radio, je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous prouver ma motivation et ainsi continuer avec vous l'année prochaine. Voilà, après une année de bonheur avec vous, ce choix me semble le plus pertinent pour mon avenir et je souhaite continuer à m'épanouir avec vous et toujours m'améliorer pour faire de cette émission la meilleure de la bande FM. Et je prévois quand même pendant les vacances cet été de travailler un peu mon humour. Je sais que c'est un petit peu le point négatif qui peut nuire à mon bon travail. Nonobstant, je pense aussi que c'est un avantage pour vous de me conserver dans cette équipe pour l'équilibre de la présence masculine. Mm-hmm. Mes sourcils sont soignés contrairement à Amir et je sais écrire et parler contrairement à Enzo. Alors, dans l'attente d'une réponse positive, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées. PS, si vous ne me prenez pas, je tue Wacha et je la bouffe. Et franchement, Mano, c'est bien travaillé. Et alors en plus, il a su bien se vendre, même s'il a un peu craché sur ses petits camarades. Il a craché sur ses camarades et puis il a utilisé des mots qu'on dit sur RTL. C'est vrai que je voyais les points virgules quand tu parlais. C'est le seul gars à les utiliser, je les ai vus. C'est vraiment qu'un suspect. Ok, mais il a bossé. Merci Mano, c'était pas mal. Tu m'as plus ou moins convaincu. On va voir ce que ça donne avec Enzo du Standard. Enzo, ça va être un spectacle, hein, j'ai l'impression. Ah ouais, là, ça arrive là d'ailleurs. Donc moi déjà, Marion Enzo, vous m'avez missionné de faire une lettre de motivation. Mm-hmm. Mais pour ce soir, je vais jouer la carte de la différence. Parce que c'est en étant différent qu'on peut faire la différence. On est d'accord. D'accord, c'est beau. Balance le son, disque jockey. Salut Marion, salut Anso. Si je chante ce soir, c'est pour vous dire que ma vie sans vous, c'est comme une porte sans poignée. Eh ben c'est galère, je peux pas l'ouvrir. Et imaginez le pauvre pépère, je pense qu'il pourrait fister sa mère. Donc s'il vous plaît, faites pas de conneries et gardez-moi pour la vie. Oh là là. Ouais, franchement, c'était pas mal, hein. Ouais, je resterai que si Amir est là, de toute façon. Cela dit, Enzo, on est sur une radio dance floor. Est-ce que tu as vraiment choisi le bon rythme, la bonne musique? C'est la question. Pour ma défense, j'ai entendu dire que tu kiffais ce chanteur. C'est vrai, mais faut pas le dire, ça, Bichon. D'accord. Tu te fous complètement de mes goûts, on est d'accord, moi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Il a chanté juste, ouais. Il a bien bossé, c'était dans le rythme, c'était quand même canon. Ouais. Franchement. Anso, qu'est-ce que t'en penses? Alors, est-ce qu'il faut que je rende mon verdict maintenant de qui on garde? Bon, sinon, je peux sortir direct, moi. Donne un indice, peut-être. On va réfléchir, évidemment, dans les jours qui arrivent. Rien n'est définitif, mais alors, une piste. Moi, je donne une piste. Je suis extrêmement séduite par tout ce qui est chanteur. D'accord. Et tout ce qui est personne qui emploie le mot nonobstant. Ok, moi, je vais donner une piste aussi. J'en ai un peu marre des sourcils. Et alors, tout ce qui est point virgule et pépère, c'est vrai que ouais, ça me manquerait beaucoup. Voilà, il y en a un qui n'a pas fait d'effort, il y en a un qui a voulu être sale gosse ce soir. Il en paiera peut-être les conséquences, on verra l'année prochaine. Alors moi je propose un petit sondage Facebook ou Twitter, gardons Amir ou gardons pas Amir? Oui, bah quand même, non. Les gens sont pas si méchants, j'espère. Parce que là, ça va passer pour du premier degré, ceux qui n'écoutent pas ce soir, tu sais. C'est horrible, c'est horrible. Alors ça, c'était extrêmement méchant. Non, c'est parce que je suis persuadée que les gens vont dire oui qu'on te garde, tu vois. Non mais c'est Amir. Bon, j'ai bien compris. Hey, j'ai jamais dit que j'allais rester l'année prochaine, hein. Ah bah ah ouais, écoute, d'accord. Fais ta vie et tu sais vraiment te vendre toi en tout cas. Bravo Amir. Peut-être que j'ai des plans, je vais partir. Non mais tu le dis hein, si on te fait chier. Allez, reste avec nous là, 01 42 48 5000, on continue de faire de la radio ensemble. Et je voulais qu'on parle de sites de rencontres dans un instant. Quel site de rencontre vous aimeriez inventer? Parce qu'en fait, je me suis imaginé l'autre jour, imaginer un site de rencontre pour diabétiques. Oui. Avec que des mecs qui comprendraient ma maladie, parce que c'est quand même pas facile. Ouais. On en parle avec vous là, juste après DJ Snake sur Fun. Des gens gentils. To lose when you talk. Hashtag Marion et Anso, opération Bahut, ça reprend. On va se refaire une opération Bahut avant fin juin. Là. Donc si vous avez envie qu'on vienne vous récupérer au lycée, au collège, n'importe, à la fac même, on n'a pas fait encore, mais on peut le faire. On débarque, il suffit de tweeter avec le hashtag. Et si jamais vous n'êtes pas très Twitter, ça marche aussi avec le mail Marion et Anso@funradio.fr, tout simplement. Ouais. Et puis là, je voulais parler avec vous des sites de rencontres. Les sites de rencontres, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de sites spécialisés qui existaient. On fera le tour tout à l'heure, ouais. Ouais, et que moi, j'avais envie d'imaginer, bah, je sais pas, un site de rencontres, par exemple, un truc qui s'appellerait Diabète Rencontre. Ouais. Tu vois, ce serait quand même plutôt sympa. Il s'y passerait quoi? Ce serait que des gens diabétiques comme toi? Ouais, c'est ça. On pourrait parler de la maladie, on vérifierait notre taux de sucre, on pourrait se goder avec des seringues d'insuline. Non, mais t'es con. Non, mais en vrai, est-ce que ça t'intéresserait vraiment? Si ça existait, est-ce que t'y ferais un tour? Ah oui, franchement, j'y ferais un tour. C'est obligé, j'y ferais un tour. D'accord. Ouais, j'ai trouvé un site. Quoi? Mais non, il n'y a pas, on a regardé. Il y a des applis pour diabétiques, mais il n'y a pas de site de rencontre. Bah, si, là, j'ai marqué rencontre diabétique. Ouais. Et je suis tombé sur un site qui s'appelle jecontact.com. Et puis, tu rencontres que des femmes diabétiques. Voilà. C'est vrai? Ouais. Mais il n'y a pas d'hommes. Non, parce que moi j'ai marqué femme. Ah bah ouais. Voilà. Bah toi. Ouais, mais bon, c'est pas non plus évoluer comme un Tinder. Non, quoi. C'est pas en mode que diabétique, il y a plein de trucs. D'accord. Bon, bah en tout cas, voilà, si quelqu'un veut le créer pour Anso, ça lui ferait plaisir de rencontrer des diabétiques pour qu'ils puissent un peu la comprendre. C'est ça en fait. Bah le oui, truc. C'est ça, parce que personne me comprend, c'est terrible. En vrai, est-ce que c'est gênant pour toi de te piquer par exemple devant des mecs, non, des plans cul? Non, tu t'en fous. Déjà, c'est pas du tout gênant de me piquer devant les gens. Mais ce qui est relou, c'est d'expliquer parce que les gens comprennent pas l'insuline, que ça fait baisser le taux de sucre. Ouais. Tu vois, c'est compliqué à faire comprendre aux gens. Donc, tomber sur quelqu'un qui capte tout de suite et que quand tu lui dis ton taux de sucre, il capte, c'est hyper cool, tu vois. Voilà. Ok. Bon, écoute, s'il y a un diabétique qui nous écoute, la 01 42 48 5000, c'est le moment. Anso est au taquet. En tout cas, appelez-nous. Toi, t'aimerais quoi comme site de rencontre, Marion? Moi, tout simple, j'aimerais bien un site de rencontre qui filtre que les gens drôles. Tu vois ou pas? Ouais. C'est-à-dire qu'il y aurait que des gens marrants, tous ceux, comme un test en fait, avant, pour savoir si t'es vraiment drôle. Et si tu l'es pas, tu peux pas aller sur ce site, comme ça on est sûr de pas se planter. D'accord. Mais du coup, qui serait drôle, adapté à ton humour à toi, quoi? Bah, pas forcément, mais un mec drôle, parce que c'est vrai, c'est toujours la question. À chaque fois, on rencontre des mecs, c'est le critère numéro un, on a envie de savoir, tu vois. C'est pas bête. Donc là, au moins, voilà, ce serait filtré à l'avance et ce serait plutôt cool. Tout à fait, Marion, je comprends. Merci. Pauline de Grenoble est avec nous. Bonsoir, Pauline. Salut tout le monde. Salut, Pauline. Ça va, Popo? Bah ouais, bien. Alors dis-nous, quel site t'aimerais bien inventer, toi? Alors moi, j'aimerais bien le site pour parents célibataires. Alors, il y a plein de trucs qui existent, mais... Ah, ça n'existe pas? Mais si, il y en a plein qui existent, mais ils sont pas top. Enfin, d'accord. Enfin, voilà. Alors, en moi, gros... Moi, j'ai un truc vachement dynamique avec... alors, il y a un certain site de rencontre qui fait ça, des événements... voilà, ils font des events, comme on dit. Ah oui. Voilà. Eh ben, un truc comme ça avec les enfants ou sans les enfants, mais un site vachement dynamique, quoi. Ouais, en fait, toi, t'aimerais parents sexy célibataires, quoi. Histoire de filtrer, voilà, un peu. Ouais, ah, je comprends. C'est que ça bouge, quoi. D'accord, mais pourquoi t'es maman célibataire, toi? Ouais. T'as combien d'enfants? Deux. Et t'as quel âge? 30. Ah, oh, tu devrais trouver quand même. Il y a plein de papas qui ça fait pas peur. Hein. Ouais, mais effectivement, Pauline, elle a raison. Tous les sites de rencontres pour parents, c'est y a que des vieux. C'est quoi. Quoi. Et t'as raison. Toi, t'as envie de faire la teuf. Toi, t'as envie de, ben de voilà, voir des gens tout nus. Même si ça aboutit à rien, mais qu'on fasse des sorties en groupe, machin. Déjà, ça peut mettre un peu de tête. Ok, et eh ben on va se pencher là-dessus pour toi, Popo, et on va en créer un. Et on va bosser sur une appli. Les gens qui font des fausses promesses. C'est clair. On t'embrasse, Pauline. Ouais, merci de nous avoir appelé. Bisous. Bon, bah, comme Pauline, venez nous raconter ce que vous aimeriez voir créer comme site de rencontre. Des sites un peu spécialisés, là. 01 42 48 5000. On n'a pas demandé à Manuel Aria, Amir des réseaux sociaux. Vous en avez aussi, les garçons? Bien sûr, ouais. Eh bien, ne bougez pas, vous allez nous raconter ça dans un instant. Allez. 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno sur Fun Radio. Aurélie Babel, tu m'as envoyé une facture de 349 € et 99 centimes. Qu'est-ce que c'est? C'est le Samsung Galaxy S5. Ah, t'as changé de téléphone? Oui, ça fait plaisir. Eh ben, t'arrêtes. Tu sais quoi? Il faut se faire plaisir dans la vie. Et oui, je te fais deux fois plus plaisir puisque je te paye ton téléphone. Merci. On va le check vite, je te fais des bisous. Merci, bisous. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Partez en croisière avec Fun Radio et Croisière de France du 17 au 24 septembre pour découvrir les plus beaux spots de Méditerranée et faire la fête. Attention, cette année, c'est Bruno et Elliot qui mettront l'ambiance avec les DJ Party Fun Mikosé et Maeva Carter. Et en bonus, on vous rajoute une escale clubbing à Ibiza. Alors, vous partez avec nous? Rendez-vous vite sur croisieredefrance.com pour découvrir vos vacances à partir de 649 € par personne avec forfait boisson inclus. Avec Fun Radio et Croisière de France, liberté, beauté, bonheur. Fun Radio. Radio. More music now. Le son Dance Floor. Ou les franges mal coiffées sur Snapchat, ajoutez Marion et Anso. Tout ça sans espace. On parle des sites de rencontres un petit peu spéciaux là, comme ça ce soir, des sites à thème. Quel site vous aimeriez bien vous inventer? Voilà, s'il devait y en avoir un qui vous correspondrait vraiment, je sais pas moi, un truc, un délire que vous aimez bien, eh ben on pourrait le faire. Amir par exemple des réseaux sociaux, est-ce que toi t'as un délire, un truc que t'aimerais bien avoir? Si ça pouvait exister, genre un site de rencontre. Peut-être plan cul, mais one shot quoi. Genre, tu peux les rencontrer qu'une fois et après c'est fini. Ah. Mais c'est déjà le but des sites de rencontre actuels. Personne se met en couple avec un site de rencontre. Regarde, tu vois, Anso, elle est sur des sites de rencontre, elle enchaîne les plans cul, tu vois, c'est des one shots. Mais c'est. C'est vrai qu'elle enchaîne quand même. Mais ça vous dérange pas que je sois là en fait. Mais justement, tu peux attester, c'est la vérité. Les sites de rencontres, il y en a pour ce dont parle oui, Amir. Oui, mais je pense qu'Amir devait dire par exemple, tu couches avec la personne et après tu la revois plus jamais. C'est un fait. T'as pas de numéro de téléphone, t'as rien pour la recontacter. Alors que nous, les gens qui utilisons beaucoup les applis, effectivement, je rencontre plein de mecs, mais après, une fois que t'as couché avec eux, ils t'envoient tout le temps plein de messages. Ah, regarde là, c'était tellement bien. Les mecs, mais ils me lâchent pas, non, c'est un truc pas de tous. Moi, parfois, il y en a que j'ai envie de revoir et eux ont pas envie de me revoir, tu vois, c'est possible aussi. D'accord. Il y a toujours un truc comme ça. Et c'est faux, d'ailleurs, on peut se mettre en couple avec des gens qu'on rencontre sur des sites de rencontres. Oui, tu c'est vrai. Il y en a beaucoup des gens qui se mettent en couple grâce ou à cause de Tinder. Non, mais bien Tinder, sûr, c'est pas le premier pour se mettre en couple. Un an avec un mec que j'ai rencontré sur Tinder. Bon, il s'avère que c'était pas le bon. Bah non. Mais quand même. Ouais, mais toi, t'es une exception aussi. Moi, j'ai plein de copines qui galèrent et qui trouvent que des plans cul ou des mecs qui veulent que ça, quoi. Ouais. Ah bon. Oui, je le dis. On a Marc d'Avignon qui nous a appelé. Bonsoir Marc. Bonsoir Marion, salut Enzo, bonsoir toutes les amis. Salut toutes les copains. Ça va Marco? Toutes les amis. Ouais les amis, c'est pareil. Alors on t'écoute, quel site t'aimerais inventer toi? Moi ce serait un site de rencontre pour ceux qui sont dans le son et la lumière, tous ceux qui travaillent là-dedans. Ah ouais. Ah pas mal, les ingés son et tout ça. Ah, c'est ouais. Ça, ingés son, ingés lumière, ingés vidéo. Pourquoi, t'aimerais trouver une nana là-dedans toi? Bah parce que déjà il y en a et bien après le problème c'est qu'on travaille à droite à gauche, après on n'a pas forcément de temps et puis on aime bien rencontrer des gens qui nous correspondent, qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Hein. Oui mais Marc, tu te rends compte qu'il y aurait trop de mecs par rapport aux meufs parce qu'il y a beaucoup plus de garçons dans ce bah milieu-là quoi. Ça commence à s'équilibrer. Je suis pas contre. D'accord Marc, écoute, je pense que ton idée, je suis pas sûre qu'elle fasse l'unanimité, mais pourquoi pas. Mais il me semble que ça doit exister des rencontres par métier. Demande à Mano s'il serait pas content d'avoir ce genre de rencontre. Moi je suis en couple mais Oui, mais voilà, si t'étais célibataire, non, est-ce que t'aimerais célibataire. Non, parce que moi je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui avec qui je peux parler d'autre chose que mon métier. D'accord. Oui, mais attends, on peut parler d'autre chose tout en ayant les mêmes centres d'intérêt. Oui, mais au moins quand tu parles travail, et ben on parle de trucs différents. Bon, Marc, Mano, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous allez vous échanger vos numéros de portable. Et vous allez vous en parler tous les deux. Hein. D'accord. Bisous. Hein. On t'embrasse, Marc. Bisous. Bisous. Allez, on va se faire le vrai faux du soir sur les sites de rencontres. Vous êtes prêts? Ouais. Le vrai faux du Night Show. L'usomite. Pour les rencontres entre portugais, est-ce que ça existe ou pas à votre avis? L'usomite. Ouais, l'usomite. Ça existe, oui, je pense. Oui, ça existe. Bah, c'est des sites communautaires, de toute façon, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Je sais pas, par contre. Date my pet. Ça existe. Ouais, c'est pour les rencontres entre propriétaires d'animaux de compagnie. Oui, mais entre propriétaires de chiens exclusivement, parce que ça n'existe pas pour les chats, j'ai regardé. Ah, mais t'es grave, toi, mais arrête. Regarde, tu sais pourquoi? Alors, j'ai expliqué pourquoi j'ai regardé. J'ai expliqué pourquoi, parce que je parle souvent avec des mecs sur Tinder, et il y en a qui ne supportent pas les chats. Ah, comme bah, moi. Et alors? Et bah oui, mais c'est compliqué de ramener quelqu'un à la maison, alors j'ai Yawasha, tu vois, chez moi. Ah, d'accord, donc, mais du coup, là, se mettre en couple avec un mec qui a un chat et qui est passionné de chat. Non, mais je fais souvent attention aux photos. S'il y a un mec qui est en photo avec un chat, bah même s'il est dégueulasse, je le like. C'est vrai? Hyper souvent, ouais. Allo Sodo, pour les personnes ne souhaitant pratiquer que la sodomie, ça existe pas? Non. Bah non, mais ça pourrait, pourquoi pas. Gothic Match. Ouais. Rencontre entre gothiques. Oui, ça existe. Enfin, Mano, tu sais que les métalleux, c'est pas des gothiques, hein. Ouais, bah moi, j'ai rencontré quelques gothiques métalleux. Voilà. C'est le lien direct. Parking Love, site de rencontre classique, mais les rendez-vous se passent dans un parking. Possible? Non. Ouais, c'est possible. Non, pas du tout. Vous êtes glauque. Mais vous êtes dans glauque, c'est horrible. It's Rencontre, c'est pour les gens qui ne mettent pas de préservatif pendant leur rapport. Mais non. Et bah si. Oh non, c'est horrible. ITS Rencontre, et ça, je comprends pas que ce soit pas censuré, honnêtement. Mais non, mais il faut qu'ils ferment le site. Bah ouais, le ministère de la Santé, tout ça, je comprends pas ce qu'ils font, parce qu'honnêtement, c'est hyper dangereux. Mais voilà, c'est des gens qui ont envie de jouer avec le danger, comme ça, quoi. Bah, horrible. Adopte un grec, site de rencontre pour les vendeurs de kebab. Ah, Marion, c'est insultant quand même. Mais non. Non, ça existe pas, ça va, c'est une vanne. Mais je sais pas, attends, c'est quoi cette musique? C'est une musique de Grèce. Non, mais j'ai fait mes petites recherches. Fait que t'es pas allé souvent mais en Grèce. Mais si, on danse un petit sirtaki là-dessus. Alerte cliché. Rencontre moche pour les gens laids. Non. Eh bah si. Ça existe, ouais. Ça, j'avais vu ça. Mais alors, quand même, il faut savoir que t'es laid déjà pour aller t'inscrire dessus. Mais, oui, mais ça se trouve, c'est un peu comme Attractive World où tu dois poster ta photo et c'est les gens qui sont sur le site qui votent ou pas si tu intègres le site. Non, là, c'est pas pareil. C'est peut-être pareil. Non, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment, tu cherches quelqu'un de moche pour être à ton niveau, quoi. Donc, tu vas sur des sites et tu postes ta photo et ça n'accepte que les gens moches. Oh, c'est pas sympa, je trouve. Bah ouais, mais après, les gens, ils le font, on leur a mis conscience, tu vois, personne les force. Ouais, mais j'aime pas l'idée. Enfin, bref. Fist de ski pour les amateurs de montagne et de fist. Non. Il y a de l'idée les gars, c'est pas si mal. Love Sister, un site sur lequel tu peux rencontrer la sœur d'Amir notamment. Non. Ah bah non. Bah non, mais regarde. Non, je m'attends à tout. Non, évidemment que non, ça ma n'existe sœur, pas. Elle est pas à prendre ma sœur. Hein. Ouais, elle est célibataire, ta sœur. Ouais, elle est célibataire. D'accord. Enzo, un mot à dire ou pas? Je disais que sa sœur était déjà à moi de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais Enzo, tu sais qu'il fantasme vraiment sur ta sœur. Hein. Ouais, et bah, je vais toutes les ramener et puis il va choisir. Ah oui, c'est vrai qu'il en a plusieurs en plus. Ouais, tu vas choisir. Je attends, sur la, prendre, on me fait signe que c'est chelou cette phrase. Mec, tu vas pas vendre tes sœurs quand même? Mais bien sûr que non. Ah, alors, tu m'as fait peur. Mais sérieux. Bon, on a encore du monde au standard. Il y a Andy de Nantes. Forcément, quelqu'un de bien, c'est un Nantais. Bonsoir, Andy. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Anso. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ouais, super. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est un site de rencontre pour les geeks en fait. Bon, alors, la journée, ça sera bien. Je crois que ça existe déjà. Ouais, il y en a déjà, je crois. Amir, regarde ça. Et je sais pas qui ça concerne exclusivement, mais j'ai déjà vu des trucs comme ça. Les geeks ? Ouais, des sites de rencontre pour les geeks. Mais ça peut être pas mal pour tous ceux qui aiment les jeux vidéo ou les séries ou tout ce qui touche un peu au multimédia, ça peut être bien. Eh ben écoute, Amir recherche, il y a un truc qui s'appelle Geek to Geek, je crois, tu me dis. Hein. Ouais, bah je regarde, attends. Et faut que tu ailles faire un tour là-dessus. Hein. Mais toi, tu recherches vraiment une nana qui est dans ce délire-là ? Bah ouais, c'est toujours mieux de pouvoir s'entendre sur au moins un hobby, quoi. Ouais, au moins, ça fait des bonnes soirées. Mais c'est quoi tes autres hobbies, Andy ? Bah, j'aime bien la musique, j'aime bien faire de la fête, mais bon. Rien de plus, quoi. Est-ce que éventuellement tu aimes les chats et les diabétiques? Ah, j'adore les chats, j'adore les diabétiques. Ah bah voilà, il est nantais en plus. Tu sais, Anso, si tu t'inscris sur le site et que tu veux te faire un petit délire en déguisement Pikachu, moi je dis oui. Hein, tout ouais, suite, mais hein. Moi je suis pas délire geek, Andy aussi, tu vois. Ah, merde, moi j'aime bien jouer à Mario Kart une fois l'an, mais tu vois, sinon ça me. Ouais, d'accord. Moi tant pis, c'est pas grave. D'accord, ouais. C'est un râteau. Hein. On me dit. Mais je t'embrasse quand même, Andy. Amir, t'as trouvé ou pas le site? J'ai un problème de réseau. Là. Mais oui, ça existe. Ça s'appelle Geek to Geek. Va faire un tour là-dessus. Je sais pas si c'est payant. D'accord. Je sais pas s'il y a du monde. Je sais pas si c'est bien, mais teste. Ok, ça marche. Okay. Est-ce que je peux faire une grosse dédicace? Bien sûr. Alors, je dédicace à toute la team Pont-Saint-Martin qui doit m'entendre. Ah, à la petite Justine, toute Mimi, forcément, elle est trop jolie. Et spécialement aussi aujourd'hui, c'est un jour spécial, mon oncle et ma tante se sont mariés. Et du coup, je voulais leur faire une grosse dédicace. Ah, cool. Et puis aussi à toute ma famille qui m'entend et que vous allez entendre aussi, bien sûr. Vous êtes prêts? Mais qui sont ces gens? C'est des robots. Ils sont combien? Voilà. Mais d'accord. Bon. Mais vous êtes combien, Andy? Oh, on doit être une bonne quarantaine. Ah, quand même. Ouais. Donc ils sont tous derrière toi à te regarder au téléphone avec nous. C'est ça. C'est ça. Mais... Ah, ma belle-mère qui dit on n'est pas fatigué. Ah, voilà. Elle est sympa, ça veut dire. Mais il a une très grande famille, tu dois avoir une très grande maison. Oui. Vous êtes fatigués. D'accord, on est sur des gens qui ont bu un petit peu, non? Oh, mec. Voilà, ouais. C'est ça, c'est tout à fait ça. On n'aurait pas remarqué, on dit à ta voix, on n'avait pas du tout remarqué. Ah, il me court après. On vous laisse du coup. Hein. Gros bisous. Bisous, Andy. Bisous. Hello. N'importe quoi, Nantes. Il y a Camille à Caen aussi qui est avec nous. Salut, Camille. Salut, Marion et Anto, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, dis-nous. Alors, j'aimerais créer un site de rencontre pour les fans de Plus belle la vie. Mais non. Alors, Anso, parle-nous de ta passion, parce que Anso, elle est comme toi. Anso, arrêtez, j'aurais jamais dû le dire. Bah, excuse-nous. J'aime bien regarder en replay le matin, c'est vrai. Donc, tu kiffes. Bah, donc, j'aime bien, oui, je suis là en ce moment. Toi aussi. Eh, ça fait des scores de fou, hein, Plus belle la vie. Mais oui, ça marche de ouf. Je te confirme. 3-4 millions. Eh oui. Mais ça veut dire que t'aimerais bien être avec un mec qui regarde avec toi, quoi. Non. Non, pourquoi non. Pas non, non, alors attends, moi j'assume de regarder, comme j'assume de regarder Grey's Anatomy, que j'adore regarder plein de merde, mais j'aime bien regarder sans que mon mec regarde. C'est pas de la merde, Grey's Anatomy. Oui, non, mais je veux dire, il y a plein d'autres trucs que je regarde où t'es pas spécialement fier de regarder, mais mon mec il regarde ce qu'il veut et je regarde ce que je veux. Non, non. Ouais, mais moi, vous pourrez partager comme ça. Non, c'est un plaisir solitaire que j'ai. Avec ma mère, je l'appelle, on débrief quoi, tu vois. J'ai une vie de kiff. Il n'y a pas de site, hein, j'ai regardé. Et pour les geeks, c'est Call of Geek. Call of Geek, ça existe aussi. Call of Geek et Give Me Geek. Mais est-ce qu'il y a un site plus largement pour les fans de séries, par exemple? Parce que Plus belle la vie, ça peut rentrer là-dedans, tu vois. Ça serait sympa de partager là-dessus. Mais Camille, toi, t'es fan de Plus belle la vie? Ouais. Bah, tu vois, elle a 14 ans en plus, Camille. Donc, Et tu regardes d'autres séries ou juste celle-là? Ouais, bah oui, c'est ça. Clem. D'accord. Ah ouais, okay. Clem aussi. Les séries françaises. Geek Me More. Geek Me More, ouais, et ça, c'est pour les séries? Séries, mangas, jeux vidéo, c'est un peu tout en fait. En fait, il y a trop de sites pour les geeks, c'est ouf. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, Camille, t'as 14 ans, t'es peut-être t'es encore un peu le temps, mais pour les sites de rencontres, tout ça, c'est peut-être un peu jeune, 14 ans. Ouais. Attends un peu, ok? Attends un peu, puis si t'as besoin de parler de Plus belle la vie, je te file mon Twitter. Et on s'échange des messages. Je t'embrasse, Camille. Ouais, je peux faire. Bien sûr, oui. Alors, gros bisous à Maïssa qui vous écoute tous les soirs, qui est fan de vous. D'accord. Gros bisous pardon. C'est pas grave. À Cindy et Enzo du Standard qui sont vraiment super. Bisous. Et gros bisous à moi, Amir. Oh, t'es un amour. On t'embrasse, ma belle. Bisous Camille. Bisous. Donc Camille, je pense qu'elle nous écoutait en cachette. Est-ce qu'on demande à Pépère si il aurait envie d'inventer un site de rencontre lui ou pas? Allez. Un site qui n'existe pas, c'est avec des animaux. Hein. Mais on a dit que ça existait, les propriétaires d'animaux, ils se rencontrent dessus. Mais non, moi je veux que les animaux. J'ai toujours rêvé d'avoir un hamster au bout de ma tête, moi. Comme ça, je te le fous dans la chatte. Ah, mec, T'étais un plomb, toi. Dans le cul, alors. Pépère. Ouais. Allez, dans un instant sur Fun Radio. Je t'ai dit de te calmer. C'est le pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. On reste ensemble en direct. Marion et Anso jusqu'à minuit. Pour le son tout de suite, c'est Môme Aloha sur Fun. J'adore. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had these grooves. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it. C'est le Night Show, on est en direct avec vous là jusqu'à minuit sur Fun Radio. Et bon courage à vous tous. Là, je sais que c'est la dernière ligne droite des révisions pour les épreuves là, qui arrivent. Que vous soyez bien peut-être en terminale, en BTS ou tout ce qui est également en brevet des collèges. Tous ces examens-là, quoi. Ouais, on pense à vous très fort. Ça va le faire, mais tranquille. Et puis l'avantage, c'est comme il fait un temps globalement un peu pourri ces derniers temps, ouais. Bah, on a que ça à faire. Ouais, mais il y a l'euro quand même. Hein. Va réviser pendant les matchs de foot, c'est compliqué, compliqué. Oui, mais quand la France joue pas, on joue. On révise. Voilà, c'est tout. Pourquoi tu m'appelles ? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui, là, pauvre con ? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Alors, si vous êtes un peu mélomane, bon, bah, c'est le cadeau qu'il vous faut puisqu'on vous offre vos casques Sonovante. J'ai envie que tu fasses un jingle pour Sonovante, Marion, s'il te plaît. Sonovante, c'est vraiment cool. En plus, on a vraiment le flair hein, pour tout ce qui rime. Bah, y a rien qui rime avec vente. Bah si, chante. Ouais, c'est vraiment trop. Ou parapente, tiens. Ouais. Sonovante, c'est bien avec du parapente. Non, ça ne marche pas. Hein. Marc d'Avignon, bonsoir. Bonsoir les filles, comment ça va ? Hello. Ça va et toi ? Ça va, ça va. Est-ce que tu pourrais pas tenter un petit jingle Sonovante ? Montre-nous ce que tu sais faire. Sonovante, le meilleur de la sono. Eh ben d'accord. Franchement, c'est toujours plus vendeur que nous et le parapente. Ouais, c'est vrai. Marc, t'as 27 ans, toi. Ouais, c'est ça. Bon, tu veux jouer contre qui ce soir ou pourquoi tu m'appelles? Contre Marion. D'accord, ok. Okay. Alors Marc, on va donner un handicap à Marion. Comme d'hab. Ouais. Tiens, tu vas faire un pourquoi tu m'appelles avec un stylo dans la bouche. Ah, mais non, on a l'air con quand on fait ça. Bah oui, mais écoute, on comprend rien. Moi, je l'avais fait une fois, c'est à ton tour maintenant. D'accord. On laisse Marion commencer, Marc? Ok, on laisse commencer. Allez, quitte pas petit chat, nous ouais. appelons quelque part. Il faut quand même pas crever hein, qu'il y ait vent. Hein. Il faut un peu méga. Ouais. Et ça donne envie de vomir au bout d'un moment. J'ai fait baver. Ouais. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Pourquoi tu m'appelles? Hein? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi je t'appelle? Oui, pourquoi tu m'appelles? Non, on ne t'a pas appelé. Ah bon, bah non, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, laisse-moi réfléchir. Mon téléphone a sonné 2-3 fois en numéro inconnu. J'ai décroché, et puis bah là, c'est toi au téléphone. Pardon? C'est quoi ton prénom? Mon prénom, non, je le dis pas, c'est toi qui as appelé, non? Ah non, je t'assure, c'est toi qui m'as appelé. Non, non, j'ai pas appelé, c'est toi qui as appelé sur ce numéro. Et non, parce que mon téléphone vient juste de sonner, je ne croyais pas son numéro, ni son identité. C'est quand? C'est quand? Bah c'était là, à l'instant, ça a appelé comme ça, donc j'ai décroché. Non, c'est le téléphone qui a appelé. Alors est-ce que ce serait pas une sorte de bug? Ah, peut-être. Un problème de réseau. Peut-être c'est un problème de réseau, d'accord. Peut-être c'est un problème de réseau. Et alors, où est-ce que vous habitez? Non, c'est pas important. Merci, bonne journée. Ah si, moi ça m'intéresse beaucoup, ça va vous habiter. Allô? Ah, il est parti. Merde, j'ai cassé le stylo, j'ai tellement appuyé et je me suis défoncé la mâchoire. Ah mais c'est fou ça, t'as une force surhumaine. Combien de temps elle a fait, Mano? 1 minute 07. Et quand même, alors que franchement je suis passée pour une grosse teubée, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Marc, pas de stylo dans la bouche, pas de handicap, on y va de manière naturelle. Ok, c'est parti. Allez, 1 minute 07 à battre, le casque sonovante est au bout du couloir. Et c'est pour Marc. C'est de pire en pire. Non. Et allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui. Oui, vous avez essayé de me contacter? Non, je crois pas, non. C'est vous qui venez de m'appeler, là. Non, c'est toi. Pourquoi tu m'appelles? Non, mais déjà, on se tutoie pas. C'est vous qui venez de m'appeler. Bon, mon téléphone vient de sonner. Bah, mon téléphone vient de sonner. Non, mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Non, je vous prends pas pour une conne, madame. Je veux dire, mon téléphone sonne, je décroche et je tombe sur vous. Hein. Oui, non, mais j'ai eu 15 ans, j'ai fait des blagues téléphoniques, c'est bon, j'ai compris. Déjà, j'ai pas 15 ans. Déjà, j'ai pas 15 ans, j'ai 27 ans. Donc, j'ai un petit peu autre chose à faire de ma journée. Et je comprends pas, moi, c'est le téléphone qui sonne et je vous entends, vous. Donc, c'est vous qui m'avez téléphoné, madame. Non, moi j'ai appelé personne, vous venez de m'appeler, mon téléphone a sonné, j'ai décroché, c'est vous qui avez appelé, enfin qui m'avez appelé. J'ai appelé personne, alors vous allez me lâcher, c'est bon. Bah, j'ai autre chose à faire que vous parler, j'étais occupée là avant que vous m'appeliez, vous savez, il y a des gens qui ont une vie en dehors de vous là. Moi aussi, hein, vous savez, il n'y a pas que vous qui étiez occupée, hein. Vous savez, j'ai de la famille aujourd'hui à la maison et je m'en fous, vous allez vous faire foutre. Vous allez faire enculer tout ce que vous voulez, j'en ai strictement rien à battre. Ah mais vous pourriez être un peu plus poli, je vous ai quand même pas insulté, madame. Je veux dire, mon téléphone sonne, je décroche, je vous entends, je vous réponds, donc je veux dire... Et face de paix, tu la fermes, c'est bon. Comment? Tu la fermes, là, c'est bon. Vous me lâchez, vous me raccrochez et vous me laissez tranquille. Mais madame, je veux bien, mais je veux dire, je voudrais avoir une explication. Pourquoi est-ce que vous m'avez... Non mais je n'ai rien... Vous entendez pas que je hurle, là? Vous entendez pas? Si, mais je veux dire, c'est non, vous qui voilà, vous énervez, moi. J'étais occupée. Vous avez vu l'air qu'il est? Vous me dérangez? Moi aussi, mais madame, vous avez vu l'heure aussi qu'il est? Je veux dire, j'ai le téléphone sonne, normalement, il devrait pas sonner à cette heure-ci. Je non, veux dire, je c'est vous fous. Qui m'avez téléphoné, mais madame... Vous entendez bien que là, je suis fâchée, que je hurle, que je suis pas contente. Vous mais entendez, oui, là, je hurle, vous entendez, là? Mais oui, j'entends non, vous bien. Vous entendez pas? Mais j'entends bien, madame. C'est fini, Marc. Je crois que la personne était à bout. Je crois, ouais. Ah, c'est pas possible. Vous entendez, là? Ah, cette voix angoissante et stridente qu'elle a en plus. Ouais. La ouais, vachement angoissante. Elle voulait rappeler au standard pour lui dire que c'était une blague et qu'on s'excuse évidemment. Rapport à tout ce qui est début de dépression, tout ça quoi. Il a bien tenu la marque, il a fait combien? Ouais, 1 minute 55. Ah bravo! Ouais, Marco! Merci, c'est gentil. Non mais ouais, c'est son jeu hurle était juste magnifique. Si on peut, franchement, vous devriez le garder, hein, celui-là. Eh ben merci pour tes conseils en tout cas, Marc. Il est énorme. Je t'adore, mon pote. Bravo, tu as gagné ton casque Sonovante et toute notre estime parce que franchement, une 40, c'est pas mal. Merci les filles. On t'embrasse. Franchement, et les filles, continuez comme ça, vous déchirez tout, hein. Mais c'est toi, continue comme ça, Marc. Pour une fois qu'il y a une bande de nanas qui tient les rênes d'une radio le soir, mais moi je dis respect. Oh, Marco. Marco. Les meufs s'emballent. On s'embrasse, Marco. Merci, des bisous, les filles. Salut. Salut. Bon, restez sur Fun Radio parce que dans quelques minutes, vous n'allez pas être déçus. On va accueillir Ludo à l'antenne. Alors, Ludo, il nous a appelé pour un truc. Il adore porter les sous-vêtements de sa copine. Oh bah c'est un festival. Non, et ouais, pourquoi, comment, je n'en sais rien, mais c'est un kiff. Tout ce qui est petite culotte, tout ça, bah voilà, c'est son kiff du moment. Est-ce qu'il est normal? C'est la question qu'il nous pose. Les soutifs aussi? Non. Ah d'accord. Je crois que c'est juste les sous-vêtements du bas, mais enfin il peut nous surprendre. 0-1-42-48-5000. Bah, si vous aussi vous avez des petites passions comme ça, un petit peu spéciales, on en parle juste après. The Chainsmokers, qu'on adore sur Fun. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now, it's in my head. Don't let me down. Dans quelques minutes sur Fun Radio, c'est le Je te demande pardon qui débarque. Mais là, tout de suite, on vous en a parlé depuis le début de l'émission. On a notre pote Ludo qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Alors, je vous demanderai chez vous de ne pas juger ce qui va se passer. Ludo, il veut savoir s'il est normal, s'il est seul à faire ça. Mais voilà, on n'est pas dans le jugement, on est dans la compréhension. On essaie de comprendre. Alors, Ludo de Montargis, bonsoir. Ouais, salut tout le monde, salut toute l'équipe. Ça va, poteau? Ouais, ça va, ça va. Alors explique aux auditeurs, qu'est-ce qui t'arrive? T'as 32 ans, toi? Ouais, tout à fait, ouais, 32 ans. Et bah, ce qui m'arrive, c'est que du coup, bah, comme t'as dit, quoi, je me demande si je suis normal, parce que ça fait quelques temps du coup que je me mets à porter les sous-vêtements, mais surtout les culottes et les strings de ma copine. Donc du coup, voilà, ça me perturbe moi-même, hein, mais bon, voilà, par la base, c'est parti d'un délire. Après voilà, on s'est parti d'un délire à deux, on s'est échangé les sous-vêtements, voilà, d'un délire au lit, etc. On a rigolé. Et puis finalement, ça, quand elle était pas là, du coup, j'ai réessayé. Alors je sais pas pourquoi, hein, c'est venu comme ça. Mais attends, je peux comprendre. Anso, elle fait une tête bizarre, mais moi, honnêtement, que tu délires avec ton mec et que ton mec essaye ta culotte pour se faire marrer, franchement, ça me choque pas. Bah moi je sais pas dans un... Mais alors ça fait longtemps que j'ai pas été dans une histoire amoureuse aussi. Mais alors, il faut rigoler de tout. Et non, puis ça peut être un petit défi, un truc, non, tu mais vois. Tu sais que quand j'ai eu ma grande histoire qui a duré 6 ans, un jour mon mec s'était amusé à mettre l'un de mes strings debout sur la table pour me faire marrer. Ouais. Et il y avait les gens qui posaient les lumières pour les fêtes de Noël, tu sais, dans les arbres. D'accord. Donc qui étaient sur des espèces de monte-charge là comme ça pour pouvoir les accrocher. Donc le plus gros fou rire, ça a été de voir ces gars qui se sont dit mais qu'est-ce qu'il fout le mec en string sur la table en train de danser, tu vois. Voilà, c'était un délire, ça t'a fait marrer. C'est à la limite. Mais Ludo, il parlait de délire au lit. Mais d'un délire au lit, genre dans un délire, ouais, jeu sexuel. Surtout après, ouais, voilà, c'était surtout après le voilà, après avoir fait l'amour, etc. Voilà. Voilà, on a échangé nos sous-vêtements pour rigoler, c'était parti d'un délire, et puis après, bah, là, franchement, ça devient même pas limite pour moi, c'est pour ça que j'appelle, parce que Ludo, même si je suis tout seul ou quoi. Explique-nous déjà. C'est dans quelles circonstances? Est-ce que tu mets ces culottes pour aller au boulot, pour sortir avec tes potes, pour te promener quand t'es tout seul, et surtout, est-ce que elle sait que tu fais ça? Alors elle sait pas que je fais ça déjà, donc ça c'est déjà le truc, voilà. Et après ouais, effectivement ça m'arrive de temps en temps. Alors forcément des fois je me force à pas le faire, hein, mais du coup ça, c'est pour ça que je vous demande conseil. Mais du coup même... ouais, ça m'arrive d'aller au taf avec. Alors bon, du coup que ce soit, enfin généralement c'est plus des strings que des culottes. Et du coup, il y a un truc, mec. Tous les garçons se regardent en mode c'est pas possible, ça doit gêner, ça doit faire mal et ça ne rentre pas. Enfin je veux dire, où est-ce que tu mets ton business dans des strings de meuf, quoi? Bah oui. Bah, alors le fait, bah, voilà, c'est que ma copine, elle est un peu ronde, donc du coup au niveau taille ça va plutôt bien. D'accord. C'est un peu serré, j'avoue, mais du coup ça rentre plutôt bien. Donc du coup ouais, effectivement à l'avant c'est un peu serré, mais du coup je kiffe ça. Et du coup je vous appelle parce que je me demande si je suis tout seul ou pas à faire ça, bah, en France ou pas, ou s'il y a d'autres. Après le fait que t'en parles pas. Chelou comme moi. Le fait que t'en parles pas à ta copine, Ludo, aussi il y a un côté aussi où t'assumes pas réellement et tu te dis que c'est peut-être un peu chelou d'aller bosser en string avec les sous-vêtements de ta meuf. Bon, ce qu'on va faire, Ludo, on va demander aux auditeurs là si eux aussi ils ont déjà fait ce genre de délire. 01 42 48 5000, numéro gratuit, vous pouvez passer en anonyme, ne vous inquiétez pas. Mais moi, il y a quand même un truc, je peux comprendre un petit peu le délire excitant de dire je porte les sous-vêtements de ma meuf. C'est-à-dire que voilà, c'est sur ma peau, etc., en one shot. Si, je peux comprendre, je suis désolée, il y a un délire, c'est excitant, c'est ceux de ma copine, c'est personne le sait, il n'y a que moi, enfin tu vois. Personnellement, je trouve que c'est pas... Enfin, moi, je trouve ça un peu chelou. Mais Ludo, rassure-moi, tu les portes pas sales? Non, je les porte pas sales. À part la première fois où c'était le délire, oui, forcément. Mais sinon, les autres fois, non. C'est... Du coup, c'est moi, je vais carrément limite voler dans son tiroir. Et donc, du coup, voilà, ça me perturbe même moi. Donc, du coup, je me dis... Mais le truc, c'est que j'arrive pas à résister. Donc, même en allant au taf, en allant même des fois avec des soirées avec des potes, ben, du coup, ça m'arrive d'y aller avec, quoi. Donc, mais c'est pas possible qu'elle ne s'en rende pas compte. Si tu lui prends, il y a des moments où il faut que tu les laves et tout. Ouais, mais oui, tu te rends pas compte. Mais non, dans le panier à linge sale, elle se rend pas compte. Ah, cette culotte, je l'ai mise ou pas, enfin, tu vois. Bah, quand même, moi je sais quelle culotte je porte à 3 jours d'amplitude, tu vois. Ouais, moi je fais pas gaffe, tu vois, la machine elle se fait, je me dis pas, oh dis donc, celle-ci, enfin je sais pas. Après, il peut faire attention quoi. Ouais, voilà, après c'est ça devient un jeu limite un peu chelou parce que bah, ça m'arrive de mettre en dessous du linge, ça m'arrive de même moi faire une machine, donc du coup, voilà. Ce qui est chelou, c'est qu'il n'y a plus aucun boxeur dans la fête à l'enfant. Bon, Ludo, on a des appels pour toi, on va voir. Je te garantis pas que c'est que des gens qui vont aller dans ton sens, Mais en tout cas, t'as ouvert un débat. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est kiffant de porter les sous-vêtements de sa copine? Pourquoi pas? Moi, franchement, j'ai envie de dire, tu fais de mal à personne. Si ça te fait kiffer, le seul petit risque, c'est qu'elle le découvre et qu'elle se dise, oulala, pourquoi il fait ça? C'est un ouf. Tu vois? Après, si tu fais attention que ça te fait kiffer que toi, que tu trouves ça un peu excitant et que c'est de temps en temps, bah. Ouais, bah oui, c'est clair. Tu vois? C'est alors, il y a plein de gens qui ont des délires chelous. Et tu vois? Personne n'est obligé de le savoir, surtout Ludo, hein. Tu vois? Ouais, c'est clair. Bon, Amir, toi, des réseaux sociaux, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te choque ou pas? Est-ce que tu te verrais porter les strings ou les culottes de ta meuf? Ou les soutiens-gorge? Non, bah déjà, strings, tout ça, et bah non, jamais. Par contre, soutien-gorge, je pense que j'ai déjà fait, mais pour rire, quoi. Ouais, bah, pour voir ce que ça faisait, quoi. Tous les mecs l'ont déjà fait pour taper une barre, quoi, mais... Ouais, toi, tu portes pas les soutifs de ta meuf, mais tu portes des t-shirts mis en zande, quoi. Et il a un t-shirt ce soir, Amir. Ouais. Promotion, quoi. Ouais. Ah, excusez-moi, déjà, Nils Van Zandt, il est super cool comme ah, mec. Mais oui, grave, on il l'adore. Il nous écoute souvent, sachez-le. Oui, effectivement, bisous. Et puis, il me l'a offert, en fait, c'était qu'on était à Albi, je crois. Mais d'accord, mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut le mettre? Moi aussi, me l'a offert. Mais non, mais hey, je me suis mis en tenue de sport parce que je pensais faire du sport aujourd'hui, c'est pas le cas. Et je me suis dit, bah tiens, pour le sport, c'est pas mal. D'accord. Ah, c'est tout. Je sais pas si c'est pire de porter une culotte de meuf ou un t-shirt Nils, en tout cas. Je me pose la question. Ah, bon, Mano, toi, à l'arrière, tu trouves pas ça, tu trouves ça chelou, quoi. Non, mais moi, déjà, je rentrerai pas dans les sous-vêtements de ma meuf, donc. Pourquoi? Bah, parce qu'elle est plus maigre que moi. T'es con, mec. Mais je pourrais pas rentrer dedans. On a du monde au standard pour toi, Ludo. Il y a David de Rennes avec nous. Bonsoir, David. Salut les filles, salut Marion Anto. Ça va, David? Salut Ludo. Ouais, ça va et vous? Bah, ouais, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de porter comme ça une petite culotte féminine? Alors, oui, Ludo, donc je vais te rassurer. Oui, moi, ça m'est arrivé une fois, en fait, avec un pari avec ma copine. Oui. Et du coup, c'était le pari, c'était que je porte son string, quoi. Et donc, du coup, je l'ai fait. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est, bah, sur le moment, en fait, c'est sympa parce que, bah, voilà, c'est pour un délire. Le fait de, comme je disais tout à l'heure, en fait, le fait de porter les sous-vêtements de sa copine, bah, c'est toujours marrant, quoi. Mais après, de le porter tous les jours, j'ai pas essayé, mais bon, après, si ça lui plaît, pourquoi pas, quoi. Ouais, mais est-ce que t'arrives à comprendre l'excitation de porter comme ça toute la journée un string qui le gêne en plus? Enfin, je sais pas, quand même, c'est... Ouais, non, ça, non, après, pour le délire comme ça, ouais, mais après, mais... toute la journée... Mais alors, surtout, David Ludo, là, j'ai une question hyper pratique. Mais c'est vrai que vous, les garçons, vous portez quand même vos pantalons de manière assez basse. Mm-hmm. Et souvent, on voit, quand vous vous penchez, vous ramassez un truc ou, tu vois, on voit un peu, souvent, vos caleçons dépassés, quoi. Grave. Mais comment ça se passe, du coup, avec la culotte de ta meuf, Ludo? Ah mais non, mais du coup, je fais super gaffe quand je le mets. Alors, c'est pas tous les jours, hein, mais du coup, comme je kiffe, je le fais assez régulièrement, je veux dire au moins une ou deux fois par semaine. Ouais. Et non, du coup, je fais super gaffe quand je l'ai. Soit je mets, du coup, effectivement, non, mais ça devient tout un délire, tout un processus. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous appelais, parce que ça devient, voilà, j'essaie de mettre un jean un peu plus haut, j'essaie de pas me pencher pour ramasser des trucs. Ouais, mais du coup, limite, voilà, ça devient. C'est compliqué parce que tu dois te changer avant que ta meuf te voie. Enfin, c'est quand même une grosse galère pour, à mon avis, pas grand chose non plus de kiffant, ouais, quoi. Je sais pas comment il fait, mais. Ça va être compliqué, ouais. Ludo, à mon avis, voilà, j'ai peur que tu te fasses cramer et qu'en fait ça ruine ton couple pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Ouais, enfin, ouais, après, je me suis posé plein de fois la question. Est-ce que je vais du coup de lui en parler? Parce que mine de rien, c'est parti d'un délire avec elle, donc elle peut à la limite, voilà. Ouais. Et après, que, enfin, puis c'est tout. Après, très honnêtement, Marion, tu quittes pas ton mec parce qu'il porte une de tes culottes deux fois par semaine quand même. Tu le trouves chelou, franchement. Tu le trouves chelou ton mec, mais tu vas pas le quitter si tu l'aimes. Excuse-moi, mais tu comprends pas le délire. Moi, pardon. Après, voilà, objectivement, là, je lui dis, c'est pas grave, il fait de mal à personne, y a pas de souci, mais tu découvres, t'es avec ton mec depuis plusieurs années qui fait ça, t'es un peu choqué, tu te dis, mais pourquoi, comment, ouais, qu'est-ce qui se passe, tu vois, et du coup, tu te dis, c'est chelou, donc est-ce qu'il a envie de se travestir? Après, quand t'es dans le couple, tu te poses mille questions, faut pas qu'elle le sache, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça va lui causer du tracas pour pas grand chose, Ludo, je pense. Ou alors, tu l'as fait en mode blague, j'ai perdu un pari avec un pote. Et je dois me taper deux fois par semaine des culottes toute ma vie. Non mais alors c'est vrai que non mais très bonne remarque. S'il se fait griller une fois, ah oui, là il pourra dire ah c'était un pari, c'était horrible machin, il pourra se sauver mais qu'une fois quoi. Et tu dis bah, je voulais pas t'en parler parce que j'ai honte et ouais. Et voilà, mais pas deux. Hein. Ah, allez voir comment elle réagit. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut marcher. Ouais. David en tout cas merci, on t'embrasse. Ouais ça marche, bah, merci à vous. Bisous. Bonjour. Il y a Laure aussi de Orléans qui nous a appelé. Bonsoir Laure. Bonsoir. Ça va Laure? Salut Marion, coucou Enzo, coucou toute l'équipe. Coucou, dis-nous, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu portes les sous-vêtements de ton mec éventuellement? Alors là, pas du tout. Mais pourquoi pas, un de ces quatre. Mais alors, pourquoi tu nous appelles? Eh ben, je voulais savoir un petit peu, bah voilà, si, si ça lui arrivait, enfin, si se maquillait déjà, parce que, enfin, déjà, je trouve déjà ça pas normal. Le cliché. Non, mais là, non, alors, il se maquille pas du tout, ça n'a rien à voir. S'il se travestit, enfin, s'il fait des trucs de fou, quoi. Mais non, pas du tout. Ludo, on est d'accord, tu fais rien d'autre à part ça. Non, ça reste essentiellement les culottes. Non, parce qu'après, il kiffe peut-être ce genre de choses, et, enfin, moi, ça me paraît vraiment bizarre de mettre les sous-vêtements de sa nana, quoi. Ouais, je sais, mais c'est compliqué de comprendre quand t'es pas dans le truc et tout. Chacun ses fantasmes, chacun ses envies et ses désirs. Voilà, après, d'accord, c'est difficile à cerner. Pourquoi, quel kiff, on sait pas, mais c'est comme ça. Ouais, le raccourci est un peu facile. Les sous-vêtements, bientôt, ça sera la mini-jupe, hein. Mais ouais, non, mais non. Regarde là, mais non, un peu d'ouverture d'esprit. Ah, rigole, hein. Eh, mais la ficelle dans le cul, ça te fait pas mal. Non, franchement, ça va. Après, c'est, voilà, essaye, après, je suis habitué. Non, mais c'est pas fait pour l'anatomie des mecs, tu vois, mec. C'est... Mais c'est pas fait pour nous. Mais pour nous, tu sais qu'au début, il faut mettre du temps pour s'habituer à porter un string. Hein. Ouais, c'est désagréable. C'est hyper désagréable, après, au début. Ça existe aussi des strings masculins, mais ce que je kiffe vraiment, c'est les, voilà, c'est ma copine. Voilà, c'est ça le problème. Okay. Bon, bah écoute, Laure, on a bien compris que toi, tu saisissais pas trop le délire, mais c'est comme ça, chacun son truc. Ouais, envoie-nous des photos. Chacun son truc. On t'embrasse, Laure. Bisous, Laure. Bisous. Et toi, Ludo, eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, continue, fais-toi kiffer, essaye quand même. Si jamais tu te rends compte que ça devient plus un besoin qu'un kiff, genre que tous les matins, t'as besoin de ça et tout, là, d'aller voir quelqu'un ou de, je sais pas, il y a peut-être un truc qui se cache derrière, mais si c'est comme ça de temps en temps, tu fais de mal à personne, continue et te fais pas cramer. Ah, juste un sexologue, ça. Un sexologue. Et surtout, Ludo, si tu te fais cramer, eh ben, t'auras toujours Amir en bon pote qui se fera passer pour ton pote auprès de ta meuf et qui dira que c'était un pari. Okay. Tu m'appelles et... Et je t'aide. Pas sûr que ce soit le bon plan, ça, tu vois. Non. Merci, Amir. On t'embrasse très fort, Ludo. Merci de nous avoir appelé. Ouais, bisous à tout le monde. Merci à vous tous. Bisous à toi. Dans un instant sur Fun Radio, c'est le Je te demande pardon qui va débarquer. Vous gagnez vos Sony Xperia M5. Et puis pour le son, tout de suite, attention, Jackie Omelette. Rivette, on y va pour un tour. Des euros sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Qué la cosa! ¡Levámonos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Tiro sevillana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no jodas. Sur Fun Radio, vous écoutez Marion et Anso, deux petits bouts de femmes, à franges, une blonde, une brune, qui savent faire du foot. Oui, c'est vrai qu'on s'est marré à faire ça. On a fait une battle, la team Marion contre la team Anso, contre les auditeurs. C'était génial. Allez voir la vidéo, est dispo sur notre chaîne YouTube. Marion et Anso, qui va gagner? Eh bien, je ne vous cache pas que c'est une femme avec beaucoup de talent. C'est tout ce que je peux vous dire. Boulard. T'as un truc à te faire pardonner. C'est l'heure du... Je te demande pardon. Énorme cadeau dans le Je te demande pardon. Toute la semaine, vous gagnez vos smartphones Sony Xperia M5. Oui. C'est à l'occasion de la Soch Freestyle Cup. Ce sera du 21 au 26 juin là, sur la plage Borély à Marseille avec Fun Radio. Et du coup, on s'est dit, hop, le smartphone, hyper technologique. Comme ça, on chope de la meuf de manière plus simple. Mais oh, tout à fait. T'as raison, Anso. Et c'est Mathieu qui joue avec nous ce soir. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, les filles. Ça va? Oui, ça va. Et toi, Matt? Ça va, ça va. Un big up à toute l'équipe. Eh bah, big up à toi. T'habites où? J'habite à côté des Tempes, à la Ferté-Alais. Ok, d'accord. Et tu veux t'excuser auprès de qui ce soir, toi? Donc ce soir, je voudrais m'excuser auprès de Solène. Donc Solène, c'était ma meilleure amie il y a une dizaine de mois. Et donc, elle voulait que ça aille un peu plus loin. Et du coup, à ce moment-là, j'étais dans une situation un peu compliquée avec, avec ma copine. Et du coup, je l'ai un petit peu envoyé pêtre, on va dire. Ah, d'accord. Mais t'avais envie de plus, toi, avec Solène ou pas? Bah, en fait, j'avais envie de plus, mais c'était tellement compliqué la situation en même temps avec par rapport à mes potes, par rapport aux gens que je connaissais. Mais alors, ça veut dire que. De quitter ma copine et de partir avec une autre, j'y croyais pas trop en fait. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous êtes toujours potes? Comment ça se passe avec Solène? Ah, d'accord. Plus. Et toi, t'aurais envie de t'excuser, mais juste redevenir pote ou t'excuser et carrément te mettre avec elle? Ah non, bah, si je m'excuse là, c'est parce que j'ai envie que ça aille plus loin. Parce qu'elle voulait que ça aille plus loin et je pense qu'elle avait raison en fait. Oh, moi je trouve ça trop excitant, j'espère que ça va marcher. Ah ouais, j'espère qu'elle est toujours open surtout. Ça fait combien de temps que tu lui as mis un bâche? Ça devait être en septembre. Non, ouais, au mois d'août, ça doit faire une dizaine de mois. Ah quand même? Ah ouais. Mais tu te réveilles un peu tard là, Mathieu, quand même, hein? Bah ouais, mais j'arrive pas à avancer en fait. Là, je me dis que j'ai essayé de zapper et j'arrive pas. Ok. Écoute, on va voir comment ça se passe, comment elle va réagir, si elle est toujours célibataire. Je te souhaite bonne chance, je trouve la démarche hyper mignonne. Moi aussi, je trouve ça hyper chou et j'espère que ça va se terminer par des larmes de joie. Voilà. J'espère aussi. Et que vous allez très bientôt enfanter. Et faire des selfies de vos enfants avec le Sony Xperia. Et que vous allez faire des selfies à poil. Tout ce qui est photo de la techa. Pour ça. Je vous envoie tout. Allô? Allô? Oui? Allô, Solène? Oui? C'est Mathieu. Ça Mathieu. Va. Mathieu, Mathieu. Ouais, ça va. Ouais. C'est bon, je te remets, ça va? Ouais, je suis top. Bien. Bah, écoute, ça va. Bah, quoi toi, tu t'attends. Quoi de neuf? Genre, tu reviens normal, genre, coucou, c'est moi. J'avoue, ça fait un peu culotté, tu vois. Mais il fallait que je te reparle sans ça, j'arrivais pas à avancer, donc voilà. On veut tout simplement pour te demander pardon. Je suis désolé. Ouais, un peu quand même. C'est un peu gros, mais... Genre, t'as fait un peu le lâche quand même, il y a quelques mois, là. Bah, en même temps, tu connais la situation. Me dis pas que j'ai fait le lâche. Ouais, mais toi, tu m'as donné pas des faux espoirs, mais tu m'as montré qu'il y avait... Ouais, mais avoue que c'était compliqué quand même. Mais toi, maintenant... Oui, non, ça, c'est sûr que c'était compliqué, mais... Mais c'était pas une raison non plus pour lâcher pour du jour au lendemain, quoi. J'avoue, mais c'est pour ça que je t'appelle pour te demander pardon. Je reconnais mes torts. J'ai beaucoup discuté avec mes potes, même Cédric qui m'a dit ouais mec t'as déconné. Et franchement j'ai essayé de passer à autre chose et je réfléchis et voilà, j'avoue, t'avais raison. Voilà, donc c'est vrai que la manière que j'ai coupé les ponts, je trouve que c'est naze. Bah t'avais raison surtout que bah à ce moment-là j'ai pas porté mes couilles et que ça serait mieux passé avec toi, mais tu sais, en même temps j'avais peur de casser notre amitié, tout ça, c'était un peu chaud. Ouais, donc, mais voilà, des fois il faut porter ses couilles, il faut tester, je sais pas. Franchement, ça a été tellement dur de te le dire que. Moi, je reconnais, mais c'est le pire râteau de ma vie. Hein. Non, j'avoue, mais franchement, t'as vu, j'étais dans une situation bizarre, j'étais pas bien. Franchement, même moi, je faisais des bails, je me reconnaissais même pas, même avec elle, c'était grave chelou. Bref, on va pas reparler d'elle, mais voilà, en tout cas, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Déjà, rien que le fait qu'on se voit plus, en tout cas, je voulais juste te dire que j'ai compris. Voilà, okay. juste te demander pardon. Après, t'en fais ce que tu veux. Moi, maintenant, ce que tu m'avais dit, j'ai compris pas mal de choses avec le temps. Là, ça m'a fait un genre d'électrochoc. Franchement, ça me fait bizarre déjà de t'entendre. Et donc voilà, fais-en ce que tu veux. Mais en tout cas, j'avais juste besoin de te dire que j'étais désolé, que si ça tient toujours, ben moi... Ouais, je suis un peu chamboulée par ce que tu me dis, du coup, là. Ouais, mais franchement, prends le temps qu'il faudra, tu vois. Tu prends le temps qu'il faudra. Mais en tout cas, maintenant, tu sais ce que j'ai sur le cœur. Et je reconnais mes torts, tu vois. Chose que je faisais pas souvent pour te montrer que... Ah non, mais... Non, T'as mûri, on dirait. Bon, après, je vais pas te faire croire que ma vie, elle a totalement changé, tu vois. Je suis même bonhomme, au fond, mais voilà, j'ai réfléchi. Et puis, voilà, je reconnais mes torts. J'ai pas perdu mes couilles, j'avoue. Et puis, voilà. Oui, bah, c'est dur à porter des couilles aussi. Bah ouais. Et puis, tout à l'heure, on essaye, là, on fait la simulation. Et puis, surtout qu'on en a pas, donc c'est quand même compliqué. Bon. Bah, franchement, je vais te les traiter pour que tu vois. Solène. Ah, c'est sympa, oui. Ça. Bonsoir, Solène. C'est Marion et Anso. T'es en direct sur Fun Radio. Ah, en plus. Je te rassure, c'est pas un canular, il est tout à fait sincère. Il avait vraiment envie de s'excuser auprès de toi et surtout de savoir s'il y avait moyen. J'ai bien compris qu'il a pas trop osé te demander. Ouais. Mais là, ce qu'il aimerait au jour d'aujourd'hui, c'est se mettre avec toi vraiment. Voilà. Il a mis 10 mois, mais maintenant c'est venu, il a compris que les sentiments étaient là, qu'il avait fait le con. Donc nous, on aimerait bien savoir ce que t'en penses toi, parce qu'il y vient pas, mais nous, on a envie de savoir. Manuel Aria, mais nous, une musique douce. Voilà. Mathieu? Ouais. Bon, bah demande-lui maintenant, mec. Bon, je pense que là, ça y est, t'as compris. Donc voilà, c'est le moment. Est-ce que t'acceptes qu'on réessaye ensemble? Est-ce que tu veux bien te mettre avec toi? Avec moi, pardon. C'est con quand on croche, t'es dans ces moments-là. Je sais pas où me mettre. Mais non, on n'est pas là, on n'écoute rien. Voilà, franchement, tu me manques, ça fait 10 mois, je pense que à toi. Je pensais qu'au bout d'un moment, avec le temps, j'allais zapper. Je zappe rien du tout, je pense à toi tous les soirs, à chaque fois je m'imagine des trucs de fou. Je repense à nos sorties au lac, tout ce qu'on faisait là, toutes nos conneries là, je repense à tes vieilles blagues qui étaient même pas marrantes et je rigolais encore et voilà, je t'aime. Et j'ai envie de rester avec toi. Ah s'il te plaît, là je suis en train de tuer. Écoutez, moi, c'est John Legend qui chante. Ah là là, hey, vous avez mis un vrai son, merci les filles. Eh, c'est beau quand même. Ça veut dire que vous allez tenter l'expérience tous les deux, vous mettre ensemble, c'est mortel. Bien sûr. C'est pouvoir. C'est violent quand même. Que ça fait 2 mois que je l'attends quand même. Vous allez pouvoir attendre. Oh là là. Les gars, vous allez encore pouvoir faire tellement de malades. Et là, je suis en sueur, là, je suis en train de suer, j'en peux plus. Là. C'est trop mignon. On vous félicite tous les deux. Franchement, ça va être une belle histoire, j'en suis sûre. Et puis, bah voilà, vous allez vous voir quand là? Bah, c'est ça, tu fais quoi? Moi, je viens juste de finir mes épreuves. Je finis mes épreuves demain. Bah, j'arrive. Oh là, vas-y. Non, bah, on se retrouve au lac, les gars. Bon, on vous embrasse, soyez heureux. Et puis, bien sûr, Mathieu, tu gagnes, tu gagnes ton téléphone, hein, ça c'est cool. Ouais. On t'envoie le Sony Xperia 5 à la maison. Ok, merci les filles. On vous embrasse. Mathieu, je veux absolument des photos du lac. Je t'envoie tout. Allez, bisous les gars. Bisous. J'en pleure. L'instant Yonf débarque dans un instant sur Fun Radio avec Camélia qui a appelé le standard. Elle a un fantasme, un truc qu'elle a jamais réalisé, c'est faire l'amour devant des gens en public. Ouais. Mais personne n'a envie de faire ce fantasme. Bah si, il y en a plein qui ont ce fantasme. Ah bon? Dans un lieu public ou pendant que des gens te regardent ou devant des amis ou devant le night show peut-être. Ou devant la famille. Voilà qui sait. Du coup, elle sait pas trop comment le réaliser, si elle doit le faire ou pas, si ça doit rester un fantasme. Et si on en parlait juste après celui qui fait fantasmer toutes les filles de France. Ah oui. Le Justin. Oh. Le Timberlake. Le Titi. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off through my city, off through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. Just dance, dance. can't stop the nothing I can see but you when you dance, dance, dance. On va parler cul dans un instant dans le Night Show avec Camélia qui a envie de faire l'amour devant des gens. Mais avant ça, à l'occasion de l'Euro 2016, je voulais vous faire réviser vos langues. En plus, c'est le bac, ça tombe bien. On va apprendre ensemble avec ce qui est le plus simple et le plus marrant, les insultes. Ah, cool. Je vous explique. Enzo, Mano, Amir et Anso, je vous ai distribué là pendant le disque deux petits papiers oui. avec le pays et le mot à le dire. C'est une insulte ou pas? Vous êtes les seuls à le connaître. Vous allez devoir dire ce mot comme si c'était une insulte, violemment. Et nous tous, là autour, on va devoir deviner si c'en est une ou pas. Ok? D'accord, c'est dur, hein? C'est très facile. Et... Anso, vas-y, tu donnes le pays et tu donnes le mot. Les autres vont devoir deviner, personne ne sait. Ok, alors ce mot vient de Suède. D'accord, vas-y. Donc là, je le dis et vous me dites si c'est une insulte ou pas. Mais dis-le comme une insulte, hein? Espèce de gaffel. Gaffel. Gaffel. À votre avis? Non, c'est un plat, genre je mangerais bien une gaffelle. Eh, t'es pas loin, c'est une fourchette. Ah gaffelle, c'est une fourchette. Gaffelle. Ok. Mais ils ont un accent chelou en Suède aussi. Ouais, tu le faisais pas très bien d'ailleurs l'accent. Bah, donc gaffelle, fourchette. Amir, le pays et le mot, c'est quoi? Autriche. Eh, tu le dis bien, comme si c'était une insulte, on sait pas. Hein. c'est très dur. Hein. Ah, c'est archi dur, parce que là. C'est la révision. Je peux faire un petit peu de français ou espèce. Non. Non. Vesnashis clothes. Ah ouais, si, il y a moyen. Vesnashdi clothes. Ouais, voilà. Je pense que oui. Ouais. Et bah pas du tout, ça veut dire bûche de Noël. Ah, une petite bûche. Ouais, tu vois, mais c'est effectivement imprononçable. Vesnashdi clothes, ça s'écrit comme ça. Vesnashdi clothes. Mano, vas-y, pays. Alors moi c'est la Norvège. Vas-y. Alors Dratil Helvete. Bah oui. Dratil Helvete, à votre avis? Oui. Ça veut dire fils ouais. de ça. Non, ça veut dire va te faire foutre, pas loin. Ah putain, je suis chaud ce soir. Enzo, t'as ton mot? Ouais, je l'ai, ouais. Vas-y, dis le pays. Turquie. Ok, et le mot? Skim. Redis. Skim. À votre avis? Ouais, c'est chelou, toi, quand t'insultes les gens. C'est une sauce de kebab, ça. Eh ben non, c'est une insulte, ça veut dire ma bite. Voilà. Ah. Skim. Ah. Skim. Skim. Skim. Ah, c'est marrant. Anso, refais un tour à toi. Alors moi c'est la Slovénie. Vas-y. Mais c'est hyper difficile hein. Attends. Allez. Pekati Kovara. Non. Pekati Kovara. Ouais. Pekati Kovara. On dirait tu sais un sort d'Harry Potter. Ouais. Alors. Pekati Kovara. Pekati Kovara. Selon vous insulte ou pas? Ouais. Non, c'est pas une insulte. Bah, demi-insulte ça veut dire chatte aveugle. Ouais. Je sais pas trop comment le prendre. C'est ouais, c'est pas mal. Mais Amir, t'en as un autre? Ouais, j'en ai un dernier, c'est j'en ai un. C'est la Grèce. Vas-y. OK. Ganoto. Et non. Non, c'est pas ça l'accent. Hein. Ah. Grec. Comment tu dis un grec? Tu fais le japonais là. Ah. Tu fais le japonais énervé. Bah, je sais pas comment faire un grec énervé, j'en connais pas. Moi non plus, remarque okay. L'accent grec, il est compliqué. Marrant, t'es le... Alors, redis le mot. Gamoto. Gamoto. Gamoto. Insulte ouais, ou pas? Une insulte. Ouais, ça veut dire enculé quand même. Hein. Ouais, quand même. Ah, tiens, Gamoto. Nano, t'en as un autre? Ouais, alors c'est la Pologne. Il alors, a toutes les musiques, le gars. Vas-y. Courva. Ouais, courva. Ça, c'est deux pus. Comment tu sais? C'est ça? Bah oui, ça veut dire pute. Ouais. Mais non. Mais je te jure. Mais t'es c'est fou. Vrai? Ouais. Bah ouais, je te jure. Je me dis, ce soir, je suis international. Putain, t'es fort. Mais et, je l'ai jamais vu. Hein. Et je sais pas pourquoi ça sonne trop. Bah bien joué. D'accord. Bien joué. Comme. Enzo, rapidement, le dernier, toi? Ouais, c'est l'Allemagne. Vas-y. Paris Interfürst. Refait? Paris Interfürst. Insulte ou pas? Ah, ouais. Il dit fist à la fin. Non, pas du tout. Ça veut dire poisson pané, vous êtes nuls. Bon, bah, bougez allez. Pas. On parle que dans un instant dans le Night Show. Bah oui, on est là pour ça. Wouhou! Hein. 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Oui. Virginie. Oui. Bonjour Virginie. Bonjour Bruno. Et ben voilà, elle l'a dit, c'est gagné. Super, merci beaucoup. Oh, regardez ce beau sourire sur le visage de Virginie. C'est génial. Tu m'as envoyé un découvert bancaire. Oui. 500 euros de découvert, Virginie. Ouais, ouais, ouais. Je vais te faire un chèque de 500 euros et puis il n'y a plus de découvert. Merci, c'est génial. C'est cadeau, c'est pour la famille. Merci beaucoup, continue comme ça. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Fun Radio. Voilà, c'est énorme. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun Radio. Fun. Fun Radio. Flashback to the time in your life when you thought it would be easy. But it's hard when you take on the world alone. A one shot that you fire at the sky, hoping someone else can see. C'est un doigt? Oh, pardon. Visiblement, c'est l'heure de parler sexe dans le night show. Cet orgasme derrière la mangoisse. Hein. Ouais, moi aussi. La dame est beaucoup trop à fond, madame. Hein. Arrêtez de simuler. Hein. Bon, Camélia nous a appelé au standard. Elle a un fantasme. Elle a envie de le partager avec nous. On va découvrir ce que c'est. Ça concerne le fait de se faire mater, quoi, globalement. Hein. Ouais, c'est ça. Camélia, bonsoir. Salut Anso, salut Marion, salut toute l'équipe. Ça va, Bichette? Ça va bien, et vous? Ouais, très bien. T'as 22 ans, t'habites Rennes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, alors raconte-nous, c'est quoi cette histoire de fantasme? Ben, en fait, moi j'ai un fantasme, c'est que j'aimerais trop faire l'amour en public. Bon, je sais que c'est pas possible parce que déjà dit, mon copain il veut pas et après c'est un peu risqué, mais c'est justement ça en fait que j'aime, c'est que les gens ils puissent nous voir et tout. Donc c'est ça qui me fait kiffer dans le truc, mais mon mec il est pas du tout à fond dedans. Donc voilà, pour l'instant c'est qu'un fantasme. Mais il y a deux trucs différents, Camélia. Est-ce que tu voudrais faire l'amour en ayant la possibilité d'être vu par des gens, c'est-à-dire par exemple au cinéma, et si vous êtes vu, ben voilà, mais tu le sais pas spécialement, ou est-ce que tu aimerais faire l'amour devant des gens, le genre Paris-Bercy sur scène, quoi? Non, mais la première option déjà pour commencer, c'est qu'il y a pas mal. Ouais, toi, que mon copain il veut pas. Ce qui t'excite, c'est le fait de pouvoir être vu, alors sans forcément le savoir, mais te dire il y a des gens qui peuvent me voir en pleine action, quoi. Voilà, c'est ça. Mais t'es pas la seule. Qui peut se pointer devant nous et dire voilà quoi. Ouais. Mais moi je trouve que c'est assez excitant. Je comprends le délire de se dire je peux me faire attraper à tout moment, tu vois. Oui, moi aussi je peux comprendre. Normal. Franchement, ça amène une certaine adrénaline en fait au truc, donc. Bah bien sûr, et puis ça arrive à tout le monde de se dire ouais c'est excitant. Après moi ce que je comprends moins c'est le fait de le faire vraiment pour être vu, tu vois. Ouais. Genre il y en a qui vont dans des clubs pour ça quoi, pour ouais. être vu, pour être maté, parce qu'ils sont libertins, qu'ils aiment ça, ils aiment s'exhiber quoi. Après toi c'est un peu différent, c'est plus le danger qui t'excite finalement. Oui, voilà. Mais t'as jamais essayé, Camélia, d'emmener ton mec au cinéma? Enfin, je sais que nous, par exemple, à Paris, il y a des séances à 9h du mat, où il n'y a jamais personne, où, genre, il n'y a jamais personne, mais il y a quand même 2-3 personnes. Et du coup, c'est vraiment le bon moment. Parce que là, tu risques ouais. de te faire griller, mais à la fois, le risque est mesuré. Ouais, non, mais après, s'il y a 2-3 personnes, c'est pas drôle si la salle, elle est vide, quoi. Oui, mais bon, c'est un bon début. Ouais, mais j'ai déjà essayé de tenter dans un cinéma où il y avait un peu plus de monde que ça et Nel a tout été réticent, il a fait reste tranquille quoi. D'accord, et alors c'est bizarre que ton mec te suive pas là-dessus parce que moi je trouve que c'est plutôt excitant pour un mec justement. Ouais. Bah après, y en a qui sont pudiques. Anso, est-ce que tu as déjà fait l'amour devant des gens? Est-ce qu'on t'a déjà vu? Moi je me suis fait griller une fois, mais je vous l'avais déjà raconté dans cette émission de Christina de Bruno dans la radio. À l'époque, on vivait à Nantes en oui. coloc. Je faisais l'amour dans sa chambre parce qu'elle m'avait prêté sa chambre, sinon je dormais dans le salon. Et elle était rentrée en oubliant qu'elle m'avait prêté sa chambre alors que j'étais en pleine action avec le gars. Donc voilà, après c'était plutôt marrant parce que c'est devant elle et qu'elle était hyper gênée, qu'elle est restée 1000 ans la porte ouverte en s'excusant. Ouais, mais bon. Mais bon, je sais qu'elle en garde en tout cas une vision parfaite encore à ce jour. Mais toi, ça t'a pas excité spécialement Ah bah non, je t'explique, faire l'amour dans Christina, c'est le truc le moins excitant du monde quoi. D'accord. Donc, okay. Non. Mais après, dans des lieux publics, oui, ça m'est arrivé de faire des trucs sans forcément me faire griller, mais rien qu'à l'idée, c'est vrai que, ça peut être excitant. Et toi, Marion, c'était déjà arrivé ou pas? Écoute, jamais volontairement, mais je sais qu'une fois, je l'avais fait dans mon ancien appart, dans mon ancien studio à Boulogne-Billancourt, sur mon balcon, au deuxième étage. Et donc, forcément, j'imagine que des gens m'ont vu. Enfin, je sais pas s'ils m'ont vu, mais je sais pas. Je pense pas, mais en tout cas, voilà. Mais qu'est-ce que t'en sais qui t'est vu ou pas, en fait? Qu'est-ce qui te fait dire ça? À part qu'il y a une dizaine de gars qui étaient là en train de supporter mon mec, vas-y, baise-la. Tu vois, je sais pas. Mais non, mais je plaisante évidemment. Non, mais en fait, il y avait quand même de la lumière chez moi. C'était pas non plus la nuit, tu vois, il devait être 23h minuit, donc il y avait quand même des gens. Ouais. Donc, j'ai un doute. Je sais pas si. En fait, je ne sais pas si on m'a vu, mais c'est possible. Sur un balcon, c'est possible. Même, j'ai pas de vis-à-vis, mais bon. Je sais pas, j'ai un doute, j'aurais toujours ce doute. Est-ce que j'ai été vue? Est-ce que j'ai été prise en photo? Effectivement, dans ce cas-là, c'est excitant. Il y a une sextape qui va sortir un jour. Le balcon. C'est ce que j'allais dire en plus. Non, parce mais voilà. Après, il y a un psychopathe qui t'a filmé en action. C'est possible, mais honnêtement, voilà, c'est la seule fois où j'ai pris un risque. Sinon, j'ai pas de souvenir de l'avoir fait en public ou devant des gens, moi, hein, les garçons dans l'équipe. Ça vous est déjà arrivé ou pas, Amir? En public? Ouais. Non, franchement, jamais. Ouais, jamais. Non. Mais trop risqué. Même dans des endroits un peu publics et tout? Non, jamais. C'est jamais arrivé. Ah non, non. Okay. J'avais organisé un meet-up une fois à Cergy Pontoise et personne qui ça avait l'air tentant comme événement. Manon, elle a rien. Ils sont ennuyeux, ces garçons quand même, ils sont ennuyeux. Ouais. Non, mais j'ai jamais fait non plus et puis je suis pas vraiment pour faire la mort devant des gens, quoi. Ça. Eh ben, tu sais quoi, Manon, je pense que les gens te remercient pour ça. Je me prononce au nom de tout le monde, je pense. Hein. Bon, Camélia, il y a du monde pour toi au standard. Ça fait réagir cette histoire. Il y a Fabrice à Marseille. Bonsoir, Fabrice. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Fabrice? Ouais, impeccable, impeccable, merci. Bon, est-ce que tu as déjà fait l'amour devant des gens, toi? Alors, ça m'est arrivé. Oui, absolument, ouais, ça m'est arrivé. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Il y a à peu près 2 mois et demi, 3 mois. J'étais en couple avec une copine. Bon, actuellement, je suis plus avec elle. J'étais avec une copine. Elle rentrait de vacances, donc ça faisait bien 2 semaines que je l'avais pas vue. Donc là, au bout de deux semaines, bien entendu, en tant que couple, il faut parler sexe, il faut parler cru. Donc voilà, on avait un petit manque quotidien. Donc problème qu'il y a, c'est qu'il y avait mes parents chez moi et chez elle aussi, donc ça pouvait pas être opérationnel. Donc on était un petit peu dégoûtés. J'avais le système de la voiture, mais bon, en tant que 206 coupé cabriolet, c'était un petit peu difficile. Vu qu'elle est assez grande de taille, elle a les pattes aussi un peu longues, donc mm-hmm. c'était un petit peu difficile aussi. Et donc? Donc du coup, ça a été très très simple. Il y a un parc qui se situe pas très loin de chez moi. On est allé escalader, ça devait être 17h30. On est allé on s'est un peu posé. Elle est bourrée de détails, c'est tout ça. Voilà, c'est ça, ouais. C'était 17h30 à peu près. On a commencé à s'embrasser, ça a commencé à être un petit peu chaud, on n'a pas résisté à la tentation et à partir de 18h, boîte à biscuits. Hein. Ce qui devait arriver, arriva. Boîte à biscuits. C'est-à-dire quoi, non, mais... Et vous êtes fait cramer ou pas? Il y avait des personnes autour qui nous regardaient, ouais, alors ils ne savaient pas trop ce qui se passait. Ouais. Voilà, bah, après. Après les parcs, je suis mesurée parce qu'il y a des enfants et tout quand même, c'est chaud les parcs. Mais c'était la nuit. Bah 18h. Ah, c'était pas la nuit. C'était sur les coups de 18h, mais ouais, c'était un petit peu l'hiver, donc les enfants ils étaient rentrés, il y avait encore quelques personnes, quelques jeunes qui jouaient au foot. Pas mal. Téméraire, pas mal. Voilà, c'était sympathique quoi. Sympa l'histoire. Le coup du parc est pas mal. Franchement, on le prend. Fabrice, merci de nous avoir appelé. Beau gosse. Ah, y a pas de souci. On t'embrasse. Bisous. Bisous, Fabrice. Bisous. L'équipe, clairement, comme faire l'amour devant les gens, j'ai l'impression que ça concerne pas beaucoup d'entre vous. Je vais vous poser des questions sur d'autres situations. Vous allez me dire si vous l'avez déjà fait ou pas. On va en apprendre un peu plus comme ça sur vous. Ouais, okay, ça marche. Faire l'amour dans un lieu public, du coup, qui l'a fait? Bah oui, bien sûr. Ouais, Manon aussi? Non. Ah si, moi, sur la plage. Ouais, ça marche. Enzo, lieu public? Lieu public, non. Non. C'était où toi, Enzo? À la plage aussi, au cinéma. D'accord. À côté de quelqu'un qui dormait, déjà fait ou pas? Oui. Ah oui? Oui, j'ai déjà fait. Ouais. Bon, d'accord, excusez-nous. Moi, jamais, je crois. Non, mais pas faire l'amour en entier, mais deux, trois. Ok. Dans le lit d'une autre personne que vous ou votre partenaire? Lit des parents, lit d'un ami. Oui, moi, le lit de Christina, du coup. D'accord. Simuler pour écourter l'acte, déjà fait ou pas? Oui, bien sûr. Les garçons, déjà fait ou pas, simuler pour écourter l'acte? Ouais, moi, ça, je l'ai déjà fait. J'étais un professionnel. Hein. Putain, ça se fait pas. Oui, Enzo. Moi, c'est juste pour revenir sur le public. J'ai déjà fait l'amour avec la sœur d'Amir. Elle avait plein de public dans sa chatte. Oh, mais. Elle attendait, là, comme ça. Connard. T'es grave, toi, mec. Bah, trop loin, quoi. C'est pas possible. Faire l'amour à une personne que vous ne connaissez vraiment pas. Tu vois, le gars que. Tu connais son prénom, mais basta. Enzo me regarde en mode oui, j'ai déjà fait. Oui. Vous, les garçons? Non, jamais, moi. Non. Mano? Non. Putain, et les garçons sont plus sages que nous, c'est chaud quand même. Ouais. Est-ce que t'as déjà fait, toi aussi? Non, moi, je connais toujours un minimum, quoi. Ouais, au moins, le signe astrologique, ce genre de truc. Est-ce que vous avez déjà été surpris en train de niquer? Oui. Bah oui. Ouais. Ah ouais? Par des potes ou par la famille? Des potes. Des potes, tout le monde? Des potes aussi, ouais. Potes, non, moi, c'était mon chien. Ta gueule, toi. Est-ce que vous avez déjà menti pour coucher? Non, genre inventer une vie, inventer un métier, mentir sur votre célibat, tu vois, un truc comme ça. Non. Non, personne? Non, jamais. Non. Jamais menti. Oh, une équipe d'honnêtes, j'aime bien. Est-ce que si, j'ai dit que j'étais amoureux. Oh, mec, c'est vraiment horrible. C'est le pire des mensonges. Ouais, je m'en tape. Est-ce que vous avez déjà couché pour énerver quelqu'un? Énerver un ex, par exemple? Ou une copine? Non, jamais. Ouais, toi, Mamir? Ouais, déjà fait, ouais. Pourquoi? Pour énerver une ex? Pour énerver une ex. On travaillait au même endroit. D'accord. Est-ce que vous avez déjà pris un pied de table comme sextoy? Bah non. Visiblement, je suis la seule. Tu rigoles là? Oui, je rigole. Ah. Est-ce que vous avez déjà stoppé votre acte parce qu'un poil géant des sourcils d'Amir vous grattait le cul? Alors moi, oui, personnellement, voilà, je le dis comme ça. C'est passé. Le message est passé. Voilà. N'importe quoi. Bon, Camélia, ma chérie, je pense qu'il faut que tu mettes tout ça dans des bonnes dispositions. Si t'as envie d'emmener ton mec sur ce terrain-là, eh ben, il faut que tu l'emmènes. Doucement, quoi. Doucement. Ou alors que je change de bord, parce que vu le questionnaire-là, les mecs sont vraiment ennuyants, en fait. T'as vu dans cette équipe, les mecs n'ont rien fait, quoi, c'est fou. Non, mais franchement, très honnêtement, emmène-le doucement sur le terrain et tu verras, je suis sûre qu'il va commencer. Faut commencer par des petits jeux, vous n'êtes pas obligé de faire l'amour tout en entier. Ouais, se caresser. Vous caresser, vous toucher et tout, ça peut être pas mal, tu vois. Le parking, très sympa. Parce que c'est la nuit, il n'y a pas beaucoup de monde, mais on sait quand même qu'il peut y avoir des gens. Ouais, et des caméras, certes. Bah, le parc, c'est plutôt pas trop mal intéressant, le parc, en fait. Ouais, bon. Le parc, c'est bien aussi. Et dès que tu l'as fait, tu nous rappelles et tu nous racontes, ok, Camélia? Il n'y a pas de souci, chérie, il n'y a pas de souci, je fais ça. On t'embrasse. Bisous, Camélia. Je vous fais de gros bisous. Et puis, on va accueillir Mikosé tout de suite. Bonsoir, Mikosé. Bonsoir. Ça va? Stephen Deep va débarquer. Oui, exactement. Est-ce que tu as déjà fait l'amour dans des endroits comme ça, publics, où tu aurais été susceptible de te faire mater? Ou devant des gens, par exemple, tu t'es fait cramer par tes parents, t'as fait l'amour devant des potes. Alors ça, c'est arrivé une fois quand j'étais super jeune. Ah ouais? Que mon père rentre directement dans la chambre à table. Oh la honte. Ah ouais, la honte. Ou ah, ma mère si qui débarque à 3-4 heures du matin. D'accord, donc Mico aussi, vous l'aurez compris, elle a des délires chelous avec ses parents. Mais j'étais ado, ça va. Ah, c'est gênant. T'es, t'es jamais rentré accompagné? Ah non, jamais. Chez tes parents? Jamais. Non, on est des nanas, nous, c'est plus compliqué de faire ça. Hein. Ah ouais, non, mais moi je ramenais personne à la maison avant mes 20 ans, 25 ans. Quoi. Ça m'est arrivé super jeune, d'un coup ma mère qui rentre en disant: j'ai entendu du bruit, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Maman, sort, s'il te plaît. Ah l'horreur! Ah, la gênance! Ouais. Un peu. Eh bien, on embrasse donc les parents de Mico C. Avant de retrouver Party Fun Deep, sachez qu'on vous retrouvera demain, bien sûr, en direct à partir de 22h sur Fun Radio, qu'on vous souhaite bon courage pour les révisions et que vous pourrez retrouver toutes nos conneries en vidéo là sur notre chaîne YouTube Marion et Anso, et ainsi que sur la chaîne YouTube Marion et Anso Gaming. Voilà, on vous embrasse très fort. Bruno dans la radio dès 6h demain matin. Et puis, on se quitte, bien sûr, en chanson. Est-ce qu'on était content d'être là? Bravo. On était content d'être là. Merci beaucoup. Are you ready to go? Are you ready? Jusqu'à 1h. 1h, c'est Party Fun Deep. Sur Fun Radio. Let's go! Party Fun. Deep. Party Fun Deep. Avec Mico C. On Fun Radio. Party Fun Deep. Minuit 4, comme tous les dimanches, juste après le night show de Marion et Anso, c'est Party Fun Deep. Avant de démarrer l'émission, je voulais adresser mes pensées, évidemment, pour les victimes d'Orlando et leur famille. Voilà, ça c'est fait. Allez, Party Fun Deep pour terminer le week-end sur une note un peu deep house, une note un peu cool avec du gros son dans le premier quart d'heure. Martin Solveig, Sib, Bob Sinclair, Montmartre, ça c'est le nouveau Lost Frequencies qui arrive. J'en ai un qui se prépare derrière moi, il me fait peur. T'avais loupé le coup mardi, Pépère. Mais alors, tu peux te rattraper là. Ok, welcome and board and Party Fun Deep. On enchaîne direct avec Lost Frequencies accompagné de Fakir sur Fun Radio. Avec Mico C. Sur Fun Radio.

Mikosé mix les plus grosses nouveautés du moment dans Party Fun Deep. Party Fun Deep sur Fun Radio. Watch me ride.